Kiabi.com. Kiabi, la mode à petit prix. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Jean, alors à 8h, tu poses un disjoncteur chez Monsieur Chauvet. À 9h10, tu files chez Monsieur Dubois. À 10h, tu vas chez Madame Lefort. À 11h, il faut que tu repartes chez Monsieur Leduc que je viens d'avoir au téléphone. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Kangoo est à 129€ par mois sans apport. Tout est inclus. Entretien, garantie, assistance. Loyer, taxe, crédit bail maintenant 60 mois, 80 000 km pour Kangoo Express. Sous condition de reprise, réservé aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa, voir Renault.fr. Leclerc. Philippe, c'est toi qui as acheté ces danettes, là, les pop chocolat bistro choco? Avec 40% de tickets Leclerc. C'est délicieux. Ah bah l'onclusivité de la danette avec le croustillant du pop. C'est parce qu'on gagne encore plus à être fidèle au moins cher que du 30 août au 3 septembre chez Leclerc, le pack de 4 danettes pop chocolat bille 3 choco de 468 grammes, plusieurs variétés au choix, transformées en France, est à 1,95€, soit 4,17€ le kilo, avec en plus 40% de tickets Leclerc. 20 modalités dans les magasins participants. C'est pop. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Papa, elle vient d'où l'électricité de ma lampe? Eh ben tu vois, du fil. Et avant le fil? De la prise, là. Et avant la prise? Bah d'un barrage. Et avant le barrage? Ah non, c'est dans le barrage que ça se passe. Donc c'est les poissons qui font l'électricité. Voilà, c'est ça, les poissons, avec leur petite nageoire, qui bouge très très très très fort. Ouais, d'accord. Les 1er et 2 octobre, pour mieux comprendre l'électricité, venez visiter les sites de production EDF et participer à de nombreuses animations ludiques et gratuites. Les journées de l'industrie électrique EDF. Inscription et programme sur edf.fr/JIE. L'énergie est notre avenir, économisons-la. C'est cette année? Oui, j'appréhende la rentrée. Tout est prêt, cartable, cahier, crayon. J'ai tout prévu, ça coûte. Et pour l'assurance scolaire? C'est la Matmut. Pour l'entrée en maternelle ou en CP, c'est 12 euros par an. C'est un bon départ pour les petits, la Matmut. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée en nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. À la rentrée avec Carré Blanc, osez la couleur. Pour les petits et les grands, parures de lit, serviettes colorées, peignoirs, couettes douillettes et oreillers, rééquipez votre intérieur à prix tout doux avec Carré Blanc. Osez la couleur. Profitez de la qualité Carré Blanc jusqu'à moins 30%. Condition de l'offre en magasin valable jusqu'au 20 septembre. Liste des boutiques sur carréblanc.com. Découvrez Grimbergen Blonde. Ses arômes de fruits mûrs et d'épices révèlent une bière d'abbaye au goût légendaire. Grimbergen Blonde, l'intensité d'une légende. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Calvin. Est-ce la première ou la deuxième fois que Palmade joue avec Robin? C'est la question que vous posiez ce matin à nos auditeurs, Monique Younes. Qu'est-ce qu'ils sont tous les deux? Oui, mais avant, c'est autre chose. Non. To you, happy birthday to you. Faites attention, je vais finir par y prendre goût. Hein. Happy birthday. Et c'est le faire des stripteaseuses. Happy birthday to you. Mais jamais invité dans ces cas-là. Ben non, c'est pour moi les deux strippers. Alors je ne vous vois pas, est-ce qu'elle est sortie du gâteau? Ben, elles sont toutes les deux sorties du gâteau. Est-ce qu'elles sont habillées en bunny? Bien sûr, et l'une d'entre elles... Oui mon lapin. Voilà, et ben voilà, vous avez tout compris. Avec une ravissante béquille bleue. Ah mais la béquille, c'est vous qui allez pas tarder à la voir si vous continuez à profiter de ce genre de choses. Non mais je vous le dis franchement, comme donc je peux donner la réponse à mon jeu, ça vous dérange pas? Oui alors. C'était la première ou la deuxième fois que Palmade jouait avec Robin? Mais c'était la première fois, toute première fois, toute première fois. Désolé, je sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui. En tout cas, Madame Younes est prête à faire The Voice, hein, parce que j'ai l'impression que depuis quelque temps, elle a envie de chanter. Et moi, The Voice Kids. Oui. Elles ont un incroyable talent, comme vous l'avez compris. Bon anniversaire, mon Yves. Et bonne émission à vous. On vous suit avec plaisir. Nous sommes en direct, évidemment, car il n'y a que le direct à la radio qui compte. Régler vos problèmes, ce que nous allons faire avec Maître Felloneau, qui est à mes côtés, la Divina et la Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Négociateur Hervé Pouchol. Bonjour Julien, bonjour à tous. Toutes les équipes d'Alain Lazare sont là. On va rire, mais surtout, on va régler vos problèmes. C'est le 9h30, 11h, et nous allons démarrer très fort avec un problème de banque, sans vous oublier que pour vous remercier, évidemment, une nouvelle fois de votre fidélité, puisque vous êtes 1 400 000 à nous écouter ce matin, plus du double de nos concurrents, chaque matin, je vous offre un iPhone 6S. C'est le cadeau de tonton Georges. Georges est le Père Noël qui vient avec ses cadeaux chaque jour. Alors, pour le gagner, c'est simple. 3210, touche numéro 2, ça c'est pour arriver au standard jeu, et après, vous avez le choix entre la réponse 1 et la réponse 2. La question est la suivante, puisqu'on parle d'un iPhone de chez Apple, la marque à la pomme, qui a chanté « Ma pomme, c'est moi ». 1. Chevalier Maurice. 2. Laspalès Régis. Un indice. Est-ce qu'on l'a l'indice? On l'a pas. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus, mais si j'étais vous, je ferais 30 de 10, touche numéro 2, puis après la touche numéro 1, pour gagner l'iPhone 6S ou bien RTL au 74-900. Trop difficile. J'accueille, ah oui, j'accueille maintenant celui qui a un sacré problème de banque. Écoutez le message qu'il nous a laissé hier sur le répondeur du 9h30-11h. Ma banque m'a rejeté 17 prélèvements par erreur. Elle reconnaît son erreur. Maintenant, je risque l'interdit bancaire et ma banque ne fait pas grand-chose. Bonjour Philippe, soyez le bienvenu. Bonjour Julien, bonjour à tous. Quelle incroyable histoire, vous n'avez rien demandé et maintenant vous vous retrouvez dans une situation quand même difficile. Je vous confirme. Maître Felonneau, je vous donne le challenge 20 secondes pour nous expliquer exactement ce qui est arrivé à Philippe. Vous dépassez, on ne règle pas le problème de Philippe, vous êtes pile dans les temps, on l'aide et on règle son problème, top chrono. D'accord, Philippe a contracté un crédit à la consommation et il le remboursait tous les mois avec un prélèvement sur son compte courant, environ 900 euros. Puis en février dernier, il dit, tiens chouette, je reçois à mon crédit 12 000 et quelques euros. Mais d'où viennent ces 12 000 et quelques euros? Alors il va à une téléphone à son banquier qui lui dit, bah oui, en fait, on a annulé les prélèvements que vous avez payés pour votre crédit à la consommation et on vous les a restitués. Mais comment, de quoi? Je n'ai rien demandé. Ah, excusez-nous, on a fait une erreur. Ben, rectifiez-la. Bon, on va la rectifier, monsieur, n'ayez pas peur. 12 000 euros ensuite disparaissent de nouveau dans la nature, soi-disant pour être restitués à l'organisme de crédit. Et l'organisme de crédit a dû attendre un mois et demi. Cet organisme de crédit en a eu marre, en dit, attendez, vous foutez de moi. Moi, vous reprenez de l'argent, on va voir si c'est régulier ou pas. Mais surtout, vous mettez du temps à rétablir la situation. Condamnation, il a tout perdu. Aujourd'hui, on réclame 20 000 euros. Oh, il est sympa, Xavier Kassovitch, car le gong est arrivé à 50 secondes. Comme quoi, mais c'était bien joué. Mais vous savez, j'utiliserai maintenant, la prochaine fois que vous m'inviterez chez vous un soir à passer la nuit avec vous, je vous dirai, ne t'inquiète pas, ça va durer 20 secondes et je vais faire comme vous. Et j'en prendrai 50. Oui, bien sûr, mais douche comprise. Bon. Alors, Philippe, on plaisante, mais c'est quand même juste incroyable. Parce qu'aujourd'hui, quelles sont maintenant les conséquences pour vous au quotidien? Eh bien, les conséquences pour moi au quotidien, c'est que la banque et mes crédits exigent immédiatement la somme. Ils ont été patients pendant près de 7 mois. Et ils là, vous réclament combien, s'il vous plaît? Ils réclament, avec les frais qu'ils ont pris dans tous les sens, plus de 20 000 euros. Voilà, donc lui, il avait pris un crédit justement parce qu'il n'avait pas cette somme. Maintenant, il doit tout payer tout simplement. Parce que sa banque, un jour, on ne sait pas quelle mouche a pu piquer la banque, a décidé de rembourser à l'organisme de crédit, enfin de reprendre l'argent à l'organisme de crédit. Comme ça, sans raison, ils reconnaissent s'être trompés. Maintenant, il faut qu'ils assument. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans ce genre de cas? Nous avons demandé à notre grand spécialiste des banques, Serge Maître, président de l'association des usagers de banque, la FUB, qui est en ligne avec nous. Monsieur Maître, bonjour. Bonjour à vous. Ça, vous connaissez ça? Ça s'est déjà produit? Comment on se sort de cette situation et qui doit payer? Ben, ça va pas nous rassurer. C'est un cas, c'est une mésaventure qui n'est pas exceptionnelle. Alors, c'est un cas exceptionnel. Moi, ça me révolte. Pourquoi? Cet exemplaire de ces situations où l'usager n'a rien à se reprocher, et Philippe n'a rien à se reprocher, et il devient la victime des erreurs bancaires. Et ce qui est vraiment déchirant, c'est l'impuissance de cette banque à y remédier véritablement. Hein, elle n'a pas proposé une solution. Alors, deux actions, je dirais. La première, c'est de s'adresser tout de suite, parce que c'est une action d'urgence, à un magistrat, en urgence, c'est pas coûteux, c'est le tribunal d'instance, pour demander de suspendre l'obligation de paiement, puisque la société de crédit réclame le 20 000 euros, eh bien à peu près. Hein. Et c'est sur le fondement de l'article L313-12 du Code de la consommation. À défaut de demander une suspension, si Philippe préfère, il peut demander 24 mois pour payer le reliquat. Ça, c'est le côté société de crédit afin d'éviter les dérapages, parce que là, on est dans une grande menace, un grand danger. Et puis, la deuxième action, c'est à l'égard de la banque. Elle a commis une faute. Vous avez un article du Code civil 1147 qui vous permet de mettre en cause la responsabilité et d'exiger réparation. Avant, quand même, ce qui serait bien, et je sais que vous allez y pourvoir, c'est éventuellement de voir si, dans une action musclée de persuasion auprès de cette banque, on pourrait lui demander un crédit qui substituerait au reliquat du prêt des 20 000 que l'on doit à la société. Merci, monsieur Maître, et merci d'avoir remarqué que j'étais musclé. J'ai bien vu, la dernière fois que vous êtes venu dans le studio, que vous me regardiez différemment de d'habitude, et vous avez donc remarqué, et c'est pour ça que vous voulez que je fasse des actions musclées. Non, on va le faire, parce que c'est tellement, tellement injuste, je trouve. Alors, monsieur Maître, ce que je vous propose, nous allons les appeler. Si j'ai besoin de vous, puis-je me permettre de vous déranger à l'association des usagers de banque? Eh bien, vous ne nous dérangez pas, parce qu'on est là justement pour des cas comme Philippe, qui ne sont pas exceptionnels. Vous êtes et formidable. Surtout pour Julien Courbet. C'est très gentil, monsieur Maître. Je vous rappelle si j'ai besoin de vous. À tout de suite, encore une fois. Vous voyez, n'hésitez pas à passer par ces associations qui, au quotidien, tout le monde ne peut pas passer sur RTL, à faire appel à ces gens-là qui sont compétents et qui savent comment vous sortir de là. Je vous donnerai la parole dans une seconde, Maître Fellono. Nous allons, s'il vous plaît, lancer l'appel. Tout va se passer en direct. Donc, vous allez suivre toutes les négociations. Si ça traîne, on reprend le répondeur, mais dès que quelqu'un répond, c'est la règle d'or. Il y a la petite alerte que vous connaissez bien maintenant. La voici, elle n'a pas changé. C'est toujours la même. Hervé Pouchol, prêt à lancer l'appel à la banque? Nous sommes prêts. Alors attention, ça va se passer dans quelques instants, dans le 9h30, 11h, l'émission que vous allez écouter tout au long de l'année. On rigole, c'est vrai, mais on règle les problèmes. Il n'y a que du concret. Alors banque, assurance, allez-y, travail, voiture, tout ce que vous voulez. C'est le 3210, vous pouvez passer en direct dans quelques instants. Antoine Griezmann et Fabien Galthié. Alors Antoine, cette reprise, pas trop fatigué? Tu rigoles, une rentrée des clubs comme ça, fatigué ou pas, on se sent pousser des ailes. Ah c'est beau la jeunesse. Jusqu'au 25 septembre chez Sport 2000, les crampons de foot Nike Magista Junior sont à moins 37%, soit 24,95€. Sport 2000, ça match. Conditions sur sport2000.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron? Me dites pas que... Si, c'est la foire au vin chez Lidl. Dès demain, le Côte du Rhône Vieille Vigne 2015 AOP médaillé d'or, eh bien le carton de 6 bouteilles dont 2 gratuites est à 11,56€, soit 1,93€ la bouteille. Moins de 2€ la bouteille? 6 bouteilles dont 2 gratuites à 11,56€. Oh, nos efforts restent vains. Ça pleurait, oui. On est mal, hein. Très mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 2,57€ le litre au lieu de 3,85€. La bouteille à l'unité, 2,89€. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Avec Télé 7 jours, The Beatles. Retrouvez réunis pour la première fois dans une collection inédite tous leurs albums originaux entièrement remasterisés dans une superbe édition de luxe. The Beatles, la collection événement. Cette semaine, le CD numéro 1, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 9,90€ seulement avec Télé 7 jours. Vous écoutez le 9h30 11h sur RTL. Philippe, il y a urgence, nous devons intervenir tout de suite et en direct. Et pourquoi Philippe? Parce que vous risquez d'être interdit bancaire à quelle date? 20 septembre. Le 20 septembre. Alors c'est parti, nous faisons l'appel, nous appelons votre agence pour commencer, puisque nous faisons, comme les auditeurs, le même circuit, les mêmes numéros. Voyons ce que l'agence va nous dire, nous passerons par le siège et s'il le faut Hervé, parce qu'elle est vraiment pas loin, vous irez d'un petit pas léger au siège, en courant, sans taxi, sans rien. Ne commencez pas à me dire, oui mais comment je vais y aller? C'est à côté, c'est à pied, je le sais. Allez en Vélib. Oh, si vous voulez, vous prendrez un Vélib. Mais ça coûte cher. Hein. Alors attention. Désolé. Mathieu Doat n'est pas disponible. Vous pouvez enregistrer votre message. On a appelé son conseiller, d'accord. Bon, alors il est peut-être surpris, ce monsieur, du coup, peut-être de s'entendre. Donc, c'est le conseiller, je crois, de Philippe. Que vous dit-il d'ailleurs, lui, qui s'occupe de votre compte? On va dire qu'il est de bonne foi, il comprend le problème, mais il dit qu'il ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'on a des conseillers. D'ailleurs, les banques communiquent là-dessus. Nous sommes près de vous. Allô? Oui, bonjour. Oui, je suis au siège de HSBC à Neuilly, au Sablon. Vous êtes monsieur Doat? Oui, exactement. Bonjour monsieur Doat. Alors, je me présente monsieur Doat. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL et j'ai votre client Philippe Michel qui est là en ligne. Il va vous dire bonjour. Bonjour monsieur Doat. Alors, Philippe est sur l'antenne d'RTL puisque vous savez qu'il a cette galère d'erreur de la banque. Bon, ça peut arriver, mais il voudrait bien qu'on rectifie maintenant puisqu'il risque d'être interdit bancaire à cause de cette erreur de votre banque dans les jours qui viennent, le 20 septembre. Vous connaissez bien son problème? Oui, oui. Voilà. Comment peut-on, son banquier peut-il le sortir de là alors, puisqu'il n'a rien fait de mal? Écoutez, c'est un dossier qui est suivi par une direction spécifique à notre siège. Donc je vous invite à les contacter directement. Monsieur, j'entends bien, donc vous me renvoyez sur le siège, mais il est dans votre agence. Qu'est-ce que le siège ne fait rien? Pour l'instant, il va être interdit bancaire. Est-ce que vous-même vous êtes tenu au courant de ce que fait le siège? Non, en fait, aujourd'hui, le compte a été clôturé, donc monsieur Michel n'est plus mon client. Ah d'accord, le compte a été clôturé maintenant. Par la banque, oui, bien sûr. D'accord. D'accord, donc en plus maintenant il est même plus client de la banque. Exactement. D'accord, eh ben, dis donc. Voilà. La vie est belle. Bon, mais je vous remercie monsieur. Merci, au revoir. Bon ben voilà, donc là nous étions à HSBC Neuilly-Sablon. Donc nous allons maintenant passer au siège de cette grande banque qui est d'ailleurs la mienne, ce qui veut dire que je vais avoir, grâce à vous Philippe, je pense, dans la gestion de mes comptes, quelques emmerdements dans les jours qui viennent, mais j'assume. Après, je fais tout pour les auditeurs. L'appel sera facturé 9 centimes plus alors, le coût habituel d'une communication. Là on appelle le siège, on est bien d'accord. Appuyez sur dièse pour ne pas écouter ce message. Alors, nous allons peut-être avoir, et c'est possible, une petite musique que nous vous... Voilà, on va l'écouter un petit peu, mais pas trop longtemps, puis Hervé reprendra la main. Bienvenue chez HSBC France. Oui, d'accord. For English, oula, please press 2. Si on voulait rigoler vraiment, on presserait tout, mais on va pas le faire. On a pressé one? Oui. Faut presser tout. Il faut presser après, tout. Donc, bah, on va, donc deux à la fois. Ah, tout, vous voulez dire deux le chiffre, pardon. Oui, il fallait tout presser en même temps. Comme j'ai maître fait l'honneur à mes côtés, inutile de vous dire que j'ai failli saisir la perche. Alors, qui est là? Le nombre de chiffres saisis est incorrect. Oh, bah alors, veuillez saisir de nouveau les 11 chiffres de votre identifiant banque à distance. Allez, c'est ce que je vous expliquais il y a quelques instants, mes amis. En direct, c'est ça, c'est la vie, c'est ce que vous vivez. Donc, Sarah va taper les 11 chiffres et dès qu'il va se passer quelque chose, Hervé Pouchol va appuyer. Mais Hervé se tient prêt, malgré tout, à peut-être partir à 300 mètres d'ici au siège de cette grande banque. Hervé, vous vouliez dire quelque chose? Non, 109 avenue, je suis pas très loin. Donc, j'irai à pied. D'accord. Donc, si j'ai bien compris là, j'essaie d'analyser pour les auditeurs. J'ai eu une alerte. Les alertes, en général, c'est important. Vous savez que quand vous entendez la petite alerte, c'est parce qu'il se passe quelque chose d'important. Ah, mais c'est pas moi. Et donc, on a eu une alerte pour quelqu'un qui nous dit, oui, non, mais c'est au 109, mais bon, on verra. Voilà. Écoutez, c'était une belle alerte, peut-être une des plus belles, je crois, après 15 années. Donc, nous allons maintenant, si vous le voulez bien, faire une pause musicale qui va me permettre de faire une petite réunion très rapide de 2 minutes 30. Je ne serais pas étonné qu'au retour de cette pause musicale, l'équipe ne soit plus tout à fait la même. Si vous aussi, vous avez des soucis bancaires, mesdames et messieurs, c'est maintenant ou jamais. Vous avez vécu un voyage cauchemar avec ces photos qui prouvent qu'on vous avait promis la mer, on vous avait promis la vue, et puis c'est du grand n'importe quoi. Vous êtes tombé sur un serrurier, un plombier qui vous a peut-être escroqué. Là, c'est une vraie alerte ou c'est pour nous dire c'est une vraie alerte? Ah, oui, d'accord, super. Oui, nous avons une conseillère, c'est une vraie alerte. Bonjour, madame d'HSBC. Oui, bonjour monsieur. Je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Pourrais-je avoir s'il vous plaît un responsable pour un... Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, parce que j'entends votre collègue derrière, c'est pour ça que je croyais que c'était vous qui étiez en train de me parler. Je vais vous passer quelqu'un qui va vous expliquer notre problème. On a un de vos clients qui est victime d'une erreur de sa banque reconnue et qui est là et dans la panade et risque de se retrouver avec un interdit bancaire. Et la banque reconnaît tout ça, mais pour l'instant ça ne bouge pas et l'interdit bancaire est là. Il tape à la porte, il est tout prêt, il vient de rentrer de vacances. Donc si vous pouviez nous passer quelqu'un, ça serait formidable. Si vous voulez en savoir plus, je vais moi-même vous passer quelqu'un qui va vous expliquer le problème. Ça vous va? Alors ne quittez pas par contre monsieur, vous êtes en centre de relations clientèle et moi ce type de demande, je ne peux pas le faire directement. Je vous prie de patienter un petit instant, hein. Merci bien. À vous. Vous savez ce qu'on va... Merci madame, vous récupérez, vous savez ce qu'il faudrait ressortir, c'est la chanson de Jacques Martin. Je frappe au numéro 1, je demande mamselle Angèle, la concierge me répond, mais quel métier fait-elle? Et voilà, et là on... fait des pantalons, exactement. Des jupons, oui, je crois qu'on avait compris là. C'était juste pour rappeler la chanson Hervé, qui du coup, il en connaît une par cœur. Il s'est dit, c'est mon heure de gloire. Donc, on a appelé, vous avez vu, l'agence de Neuilly. On nous envoie sur le siège. Au siège, on nous dit, c'est pas nous. Et on va voir combien de sièges comme ça, combien de numéros il va falloir faire. C'est la galère au quotidien, c'est ce que vous vivez. Le 9h30, 11h d'RTL est le miroir de ce que vous vivez. Mais nous allons nous battre. Un dernier mot, Nathalie. Oui, vous voyez bien que lorsqu'on a un problème avec une banque, là, c'est celle-là aujourd'hui, mais on l'a vu avec d'autres. Eh bien, alors, il y a deux sanctions. C'est au revoir et merci. On réglera nos problèmes devant le tribunal. D'ailleurs, la justice est saisie et va devoir examiner ce problème-là. Mais vous savez les délais que nous avons devant un juge. Et le 20 septembre, ça vient, cette interdiction bancaire. Et elle est gravissime. Nous allons, pendant que Hervé essaie de nous récupérer quelqu'un, lancer l'appel spontané. Vous avez appelé au 3210. Est-ce que Michel est en ligne? Oui, je suis en ligne, Julien. Bonjour, oui. Michel. Vous avez appelé à quelle heure, Michel? Je appelais vers 9h30. Voilà, il est 45, vous êtes sur l'antenne. Michel, on va marquer une pause, mais je veux expliquer quand même que votre maman, qui a quel âge? 94 ans. Elle vit seule dans un appartement social à quel étage? Au 4e étage. Voilà, et depuis combien de temps elle n'a pas l'ascenseur? Depuis plus de 3 mois maintenant. Voilà, alors nous allons nous en occuper car il y a urgence. Alors je frappe au numéro 2, je demande mademoiselle Angèle, la concierge me répond, mais quel métier fait-elle? Elle fait des pantalons, des jupes et des jupons et des gilets de fleurs. Dorénavant, merci Xavier, dorénavant, à chaque fois qu'on va se retrouver dans des situations où on nous dit il faut aller voir la banque, il faut aller voir le siège, il faut aller voir, on mettra cette chanson et on l'adaptera. Allez, à tout de suite sur l'antenne d'RTL, nous sommes là pour vous aider, 9h30, 11h, profitez du standard, les standardistes sont en forme, comme Céline Dion qui revient avec cet album très émouvant, et vous savez pourquoi, et c'est comme une préférée d'RTL, nous diffuserons encore et encore ce Encore un soir. Une photo, une date, c'était n'y pas croire.

Le 9h30, 11h sur RTL, l'émission la plus écoutée de France. Deux cas ont été lancés depuis ce matin dans le 9h30, 11h. Le premier cas, juste incroyable. On utilise, c'est vrai, ce mot à tort et à travers. On met du incroyable partout. Mais mettez-vous à la place de cet auditeur qui prend un crédit, qui le rembourse. Et un jour, la banque remet tout l'argent qu'il a donné dans le crédit sur son compte. Il dit, mais pourquoi vous faites ça? Ah ben, on s'est trompé. Mais remettez-le vite. Seulement le temps de le remettre, etc. L'organisme de crédit a dit, attendez, vous arrêtez de payer. Puisque c'est ça, vous allez tout payer d'un coup. Et maintenant, il va se retrouver en plus interdit bancaire. Et la banque ne le suit plus. Exactement. Je rappelle que c'est l'acquisition de la clause résolutoire, lorsque vous ratez une ou plusieurs échéances et que vous ne régularisez pas très vite votre situation, la totalité du crédit devient exigible. Et c'est ce qui paralyse notre auditeur, c'est que lui, il n'a pas les moyens de payer tout d'un coup. Je vais t'en mettre, moi, des inquisitions de la clause résolutoire, vas voir. Acquiert, où en est-on, s'il vous plaît, Hervé Pouchol? Alors, je viens d'avoir une longue discussion avec le siège d'HSBC. Il contacte la direction générale, mais j'ai réussi à avoir un numéro de téléphone de la directrice du service client, qui malheureusement est en vacances jusqu'au 4 septembre, mais elle a laissé sur son répondeur le numéro de téléphone de la personne qui la remplace. Donc, je vais la contacter. Formidable. On continue sur ce dossier. On repart maintenant donc sur cette histoire d'ascenseur. Michel, êtes-vous en ligne? Alors, on a bien compris, HLM, 94 ans, votre maman, quatrième étage, comment fait-elle au quotidien? Eh ben, c'est la galère, elle ne descend quasiment plus faire ses courses, elle reste chez elle cloîtrée, et puis nous l'aidons à faire ses courses, voilà, on lui monte, ou les voisins l'aident. Combien paie-t-elle de loyer? Aux alentours de 400 euros. Que dit l'organisme alors aujourd'hui? Comment se fait-il qu'ils ne viennent pas réparer cet ascenseur? Donc cet ascenseur est déjà en panne depuis le début de l'année, il a été réparé, des pannes incessantes arrivent, et depuis trois mois, la société n'a pas pu refaire réparer l'ascenseur. Et la prochaine visite, on nous a dit qu'il fallait changer complètement le mécanisme avec un délai de livraison des pièces de trois mois à partir d'aujourd'hui. Bien. Maître Fellonneau, il est évident que l'on va nous répondre, oui, mais pendant le mois d'août, c'est compliqué. Ce qui est vrai, il n'y a pas de technicien, mais enfin, il y avait juillet avant août et puis il y avait juin avant juillet. Maintenant, est-ce que, on n'est pas là pour chercher le mal pour le mal, mais on essaie de comprendre, cette dame est bloquée, elle a 94 ans, en plus avec les grosses chaleurs, etc., elle peut tout arriver. Est-ce qu'il y a une espèce de notion de mise en danger involontaire de la vie d'autrui? Involontaire, moi, je suis moyennement d'accord, parce qu'on voit bien que c'est un problème d'entretien de l'ascenseur qui doit avoir maintenant atteint un certain âge. Il faut remplacer des pièces absolument maîtresses qui sont coûteuses et on attend le dernier moment. C'est bien regrettable pour les locataires qui payent et je crois que bailleur social ou pas bailleur social, on doit une jouissance paisible à tous ses occupants. Et lorsque l'on ne peut pas, quand on est confronté, on l'a déjà fait, Julien, on avait essayé d'obtenir des relogements dans des appartements qui permettent aux gens de vivre. Parce que là, pour une dame de 94 ans, ne pas pouvoir sortir de chez elle, s'il y a un problème de santé, ni quoi, ni qu'est, c'est une catastrophe. Surtout qu'en plein mois d'août, il n'y a pas de voisins. Enfin, moi, je vois avec ma maman, avec toi, il n'y a pas de voisins, donc ils sont seuls. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne pouvez pas sortir? Alors, vous me direz toujours, elle peut prendre son téléphone, mais enfin, quand même, on appelle, c'est parti, on commence par qui? Nous avons le numéro, donc, du concierge qui a prévenu le bailleur. Est-ce que ça a un intérêt, peut-être, essayer de l'avoir pour nous dire ce qu'on lui a répondu, puisque c'est quand même le concierge qui est le porte-parole. Oui, essayons de l'avoir. C'est parti. Ça sonne. Nous sommes en train de faire le numéro. Ensuite, nous appellerons le bailleur directement. On passera au numéro 3. Donc là, c'est pas le concierge, je ne pense pas. Hein. Vous avez fait quel numéro, s'il vous plaît, Sarah? Alors, j'ai essayé un petit peu de déchiffrer. C'est le bailleur, Julien. D'accord. Donc quand je dis le concierge, faisons le concierge, ça sera plus facile. Mais tant mieux, on va gagner du temps. Oh, je vous chambre, ma petite Sarah, c'est pas grave. Pour les SCI, tapez 3. Pour toute autre demande, tapez 4. À tout moment, vous avez la possibilité de laisser un message ou faire une demande de rappel en tapant sur la touche étoile. Dis donc, j'étais absorbé par le piano, là. Mais vraiment, d'habitude, quand il y a des répondeurs comme ça, je me dis, oh là là, c'est long et tout. Mais là, tout d'un coup, ça m'a pris au trip. Je ne sais pas qui est ce pianiste, mais il faudra demander. Il a su me toucher. C'est assez rare avec ce genre de musique. Michel, là, votre maman, en l'état actuel des choses, s'organise comment? Votre saisie est invalide. Nous, on l'aide. On l'a prise là pendant les grosses chaleurs. On l'a emmenée chez nous. Bien sûr. Et on a ramené le plus possible de courses pour qu'elle tienne le coup toute seule, voilà. Bon, on va se battre comme des lions, comme des chiens, Michel, pour arriver à faire quelque chose. Julien, mais aussi, je veux dire, sur le moral, se retrouver dans cette solitude-là, c'est parfois aussi nocif que d'avoir la difficulté à monter les étages. C'est la peur surtout qu'il puisse arriver quelque chose qui stresse parfois les personnes âgées, il faut le comprendre. On essaie de trouver un interlocuteur, Michel, c'est du direct, c'est notre job, jusqu'à 11h, on va finir par avoir quelqu'un, à la hasard. On va essayer de faire dans quelques secondes le responsable de la maintenance, effectivement, de l'ascenseur. D'accord, essayez parce qu'on a plein de numéros qui pour l'instant, alors il est 9h56, peut-être que les gens arrivent à 10h. Mais pendant ce temps-là, je voudrais qu'on bascule rapidement sur le cas de la banque avec notre auditeur qui va se retrouver interdit bancaire parce que sa banque a fait une erreur et il n'y est pour rien apparemment, Hervé Pouchol. Je me bats comme un beau diable pour essayer de joindre au moins la directrice expérience client. On a plusieurs numéros de téléphone, je vous ai dit il y a quelques instants qu'elle est en vacances. J'ai eu sa remplaçante qui vient de me dire, monsieur, on connaît le dossier, on sait que vous en parlez sur RTL, j'essaye de joindre quelqu'un à la direction de la communication ou au service juridique le plus rapidement possible, donc patate chaude encore. Bien, alors nous allons donc sortir une nouvelle chanson. Là, on est quand même sur une très très très grosse banque et je crois qu'il faudrait que l'on arrive à trouver une solution pour pouvoir, moi, en cow-boy, vous, en ouvrier, vous, qu'est-ce qu'il y avait également, en menuisier, et tous ensemble, si on réussit à régler ce cas, nous irons sur les Champs-Élysées devant la banque pour chanter « On a réglé le cas avec HSBC. On a réglé le cas de HSBC. » Voilà. Vous voyez que les choses ne se sont pas arrangées avec les grosses chaleurs, malheureusement. Nous sommes là pour vous aider, même si ça se fait dans la bonne humeur, vous le savez, l'efficacité est au rendez-vous. Et d'ailleurs, je vous le prouverai, puisque hier, c'était la première émission, et nous avons déjà bien avancé sur énormément de dossiers. On va se retrouver dans quelques instants, le 3210 est à votre disposition. Quel que soit votre problème, vous êtes victime d'une aberration. Une aberration administrative ou une aberration en tout genre. Tiens, il y a une thématique qui est pas mal, qui apparaît, c'est une des premières... Non, c'est vrai, on n'en voyait pas beaucoup, mais de plus en plus, les appartements, comment ça s'appelle ça, Airbnb? Oui. Et ben voilà, vous avez fait du Airbnb, quand vous êtes revenu, vous avez retrouvé votre appartement qui était très Airbnb, c'est-à-dire plus du tout dans une situation pas possible. Ouais. N'hésitez pas, 3210, le standard est ouvert. RTL. Bonjour, Pierre Elmelec, président de Maison de la Literie. Je suis à Montluçon-Domera, dans le magasin de Steven Bento. Alors, cette rentrée? Une rentrée sous le signe des économies, avec ce matelas latex à 699 €. Fabrication française, 23 cm d'épaisseur, pour 699 € seulement. Le meilleur du latex, à prix exceptionnel, c'est jusqu'au 18 septembre. Maison de la Literie est le meilleur chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur maisondelaliterie.com. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Bon, la fin de chantier est dans 10 jours. Il reste quoi à faire? Il faut couler la dalle, monter les murs, poser les planchers et faire les enduits. Ok, alors on se dépêche. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Master est à 199 € par mois sans apport. Tout est inclus, entretien, garantie, assistance. Loyer tax crédit bail maintenance 60 mois, 80 000 km pour Master Fourgon. Sous condition de reprise, réservé aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa. Voir Renault.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h d'RTL, l'émission la plus écoutée de France. Nous faisons tout pour vous. Nous sommes heureux d'être chaque matin avec vous. Vous avez choisi RTL. Il est 10h. L'information sur RTL, c'est avec Marie Guerrier. Bonjour Marie. Bonjour Julien, bonjour à tous. Les négociations sur le prix du lait ont repris à 7h ce matin entre les représentants des producteurs et le groupe laitier Lactalis. Les discussions se tiennent sous la houlette du préfet de la Mayenne à Laval où se trouve le siège de Lactalis. Les agriculteurs qui attendent des décisions disent qu'ils ont espoir que la situation tourne en leur faveur et ils maintiennent la pression. Par exemple, une opération de blocage est en cours à l'usine Lactalis d'Andrézieux-Boutéon dans la Loire. C'est ce que nous signale Frédéric Perruche, le correspondant d'RTL dans la région. Plus de 50 producteurs sont présents sur ce site. Dans l'actualité du jour, il y a l'ouverture de l'université d'été du MEDEF, l'organisation patronale. Pierre Gattaz, le président du MEDEF, demande aux candidats à la présidentielle des engagements forts. Il affirme ce matin dans le journal Les Échos que la France peut créer 2 millions d'emplois si les entreprises bénéficient de nouvelles baisses de charges. La France ne veut plus négocier d'accords commerciaux avec les Américains et va demander à la Commission européenne d'arrêter les discussions sur le projet de traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis. Paris juge que pour l'instant, ces négociations sont trop favorables aux Américains et estime qu'il faudra les reprendre ultérieurement sur de bonnes bases. L'ancien ministre Arnaud Montebourg, désormais candidat à la présidentielle, était ce matin l'invité de RTL et il a à nouveau demandé à François Hollande de ne pas se représenter en 2017. Son bilan est indéfendable, dit Arnaud Montebourg. Il estime que la candidature du chef de l'État ne pourrait que mener à une élimination de la gauche dès le premier tour de l'élection présidentielle. Nouvelle journée de deuil aujourd'hui en Italie après le séisme meurtrier de la semaine dernière. Des funérailles solennelles sont organisées pour les victimes. 5 plaisanciers se sont échoués hier soir sur un rocher de la rade de Cherbourg. Ils s'étaient réfugiés dans l'annexe de leur voilier après avoir envoyé une fusée de détresse vers 21h30. Les marins-pompiers de la base navale de Cherbourg ont pu les secourir en début de nuit, nous indique Frédéric Veil en Normandie pour RTL. Mais c'est ce matin seulement à la faveur de la marée haute qu'ils tenteront une opération de déséchouement du voilier qui bat pavillon de l'île de Jersey. À l'US Open de tennis, Gaël Monfils et Joe Wilfried Tsonga ont réussi leur entrée en matière. Ils se sont qualifiés pour le deuxième tour. En revanche, Richard Gasquet a été éliminé au premier tour par le Britannique Kyle Edmund, un an après avoir atteint les quarts de finale de ce tournoi américain. La bourse de Paris a ouvert en hausse de 0,34% ce matin et la hausse est encore plus nette actuellement autour de 1%, le CAC 40 avec 4468 points. La météo du jour, c'est du temps ensoleillé. La grisaille matinale peut mettre un peu de temps toutefois à se dissiper, du nord de la Bretagne aux côtes de la Manche et puis aussi vers les Pyrénées, mais la journée sera globalement agréable. On attend quand même des orages de la Corse aux Alpes du Sud ce matin et cet après-midi, les orages remonteront sur les Alpes du Nord. Les températures maximales, elles seront comprises entre 23 degrés à Brest et 32 à Nîmes, 26 prévus à Lille, à Besançon, 27 degrés à Paris, 28 à Nantes, à Strasbourg, à Toulouse, 29 à Lyon comme à Bordeaux et Marseille, et 30 degrés à Perpignan. Les courses aujourd'hui à Clairefontaine, près de Deauville. Bernard Glace vous conseille de jouer pour le quintet le 15, le 4, le 3, le 8, le 10, le 14, le 13 et le 6. La dernière minute de Bernard, c'est le 3 de Bonne-Alloi. Il est 10h03 et vous êtes sur RTL avec bien sûr Julien Courbet. Merci beaucoup Marie, on se retrouve tout à l'heure 11h pour d'autres infos. Et vous le savez, nous sommes en direct, donc nous allons nous éviter le générique de reprise car vous avez entendu une alerte, donc priorité à l'alerte. Que se passe-t-il? Qui parle? C'est vous Sarah? Oui, finalement j'ai une conseillère chez le bailleur, donc elle me passe un responsable pour entrer totalement dans le dossier et voir ce qu'ils peuvent faire. Ce qui me permet de faire le petit point info pour expliquer de quoi il s'agit. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Le cas dont parle Sarah, c'est Michel. Appel spontané, il a appelé à 9h30. Il était tout à l'heure à moins le quart sur l'antenne d'RTL. Sa maman de 94 ans vit dans un HLM depuis 3 mois. Maintenant, elle vit au 4e étage à 94 ans, sans ascenseur. Et c'est un peu la cata. Peut-être que nous pourrions avoir quelqu'un. Allô, bonjour. Bonjour. Je suis à la Sogemac Habitat. Tout à fait. Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL, je suis ravi de vous parler. Je vous appelle car ce matin nous traitons le cas de la maman de Michel qui est en ligne avec nous, qui a 94 ans et qui n'a plus d'ascenseur depuis maintenant 3 mois. Elle vit au 4e étage, je peux vous donner ses rues Max Dormois, Montrouge. À Montrouge. Voilà, et c'est d'accord. Un peu la cata pour cette dame de 94 ans. Comment peut-on avancer? Je vais vous passer l'inspecteur technique de ce secteur, monsieur. C'est super gentil, si madame. Je vous souhaite une belle journée. Merci bonne beaucoup. Journée. Ah, que c'est agréable d'avoir des gens comme ça. Merci, madame. Merci c'est beaucoup. Gentil, mais si, c'est vrai, je le pense. Alors, j'attends l'inspecteur technique. Oui, quittez pas. Allez-y, j'attends. Maître Felonneau. Oui, alors évidemment, en plus de l'urgence, c'est qu'il y a un ascenseur dans les plus rapides délais. Mais après, demandez. Alors, une alerte pendant que vous récupérez la société, s'il vous plaît. Je suis désolé, Maître Felonneau, mais on a une alerte à la banque, Hervé, c'est ça? Non, on est toujours sur l'ascenseur Conné et j'ai le responsable maintenant sur son portable. Génial. Bonjour, alors monsieur, il vient de raccrocher. J'ai là entendu, oh mince, je suis désolé. Alors, rappelez-le Hervé, dans ces cas-là, vous commencez la conversation, parce que vous savez que nous essayons, dans 99% des cas, de tout mettre à l'antenne. Mais les gens, parfois, le petit décalage pour qu'on les bascule, raccrochent. Donc là, on a bien vu que vous avez essayé deux fois Hervé, tenter une troisième fois et discuter un tout petit peu hors antenne, de manière à ce que ce monsieur ne raccroche pas. Donc on reste sur l'ascenseur, vous disiez Divina. Alors, il est évident que notre mission aujourd'hui, c'est d'obtenir une date d'intervention de réparation de l'ascenseur au plus tôt, bien sûr. Mais il ne faut pas oublier les histoires de pépites. Parce que moi, je pense qu'on ne paye pas un loyer à 100% à partir du moment où on n'a pas 100% des prestations. Je suis d'accord. L'ascenseur, donc il faudra demander une indemnisation là-dessus, le préjudice subi. Ça, c'est vrai, c'est quelque chose que l'on pourrait mettre en place cette année. C'est qu'à chaque fois qu'on va avoir des problèmes comme ça, nous, on arrive, c'est vrai, à faire réparer l'ascenseur et tout ça, mais il va falloir maintenant qu'on passe à la vitesse supérieure et expliquer à ces gens-là que pour 400 euros, on a le droit d'avoir un ascenseur qui marche. Bien S'ils ne peuvent pas le réparer, par parce que c'est le mois d'août, la pièce vient d'Angleterre ou je ne sais quoi. Ok, mais dans ces cas-là, le loyer, il est plus de 400. Exactement. Voilà. Il faut une belle ristourne. Oui, il pourrait passer par exemple à 399 €. Voilà. Et là, ça me paraît la responsabilité de cette victoire. Bien. Eh bien, écoutez, pour un redémarrage, c'est un redémarrage. Il ne me reste plus qu'à vous dire qu'il y a toujours cet iPhone 6 dans son écrin, dans sa boîte. La boîte est parfois plus belle, vous le savez, que le téléphone lui-même. Il est magnifique. C'est l'un des plus beaux. 860 €. C'est l'iPhone que tout le monde veut, l'iPhone 6S. Vous faites le 30 de 10, touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu. Et ensuite, vous retapez 1 pour donner la bonne réponse. Ou bien vous faites RTL au 74-900. Ça vous ferait du bien de le gagner, vous, Maître Felloneau, parce que pour vous joindre en ce moment, c'est un peu la croix et la bannière. Qu'est-ce qui se passe avec votre portable ? Eh bien, mon portable va très bien. C'est Orange qui ne me donne pas de téléphone. Donc, je n'ai plus de ligne de téléphonique. Ah, mais pourquoi ? Ils vous l'ont coupé ? Eh bien, je ne sais pas. Il y a un dysfonctionnement depuis le 8 août. Et je n'arrive donc, je n'ai plus Internet, je n'ai plus de téléphone, je n'ai plus de télévision, je n'ai plus rien. Et je travaille effectivement sur mon iPhone, heureusement, avec la 4G. Alors, mais c'est quand même minable comme condition de travail. Nous n'utilisons jamais l'antenne à des fins personnelles, mais là, il faut savoir qu'elle a du mal aussi à rappeler parfois les auditeurs pour comprendre leur dossier. Elle a du mal à faire son travail. Donc, je lance un mini sondage. Marie, s'il vous plaît, vous êtes la spécialiste des réseaux sociaux. Vous allez lancer un petit sondage Twitter et Facebook qui va durer un quart d'heure. Peut-on traiter le cas de Maître Felloneau sur l'antenne ou doit-on laisser la place à un auditeur ? Mais je le redis, elle en a besoin pour travailler, elle ne peut pas travailler. C'est les auditeurs qui vont choisir. Et donc Maître Felloneau. Donc à 10h30, résultat de ce sondage. Vous êtes sur RTL, vous écoutez le 9h30, 11h. Bonne journée à vous tous. Et ton grand, il fait quoi maintenant ? Le lycée, c'est du sérieux, on ne les voit pas grandir. Tu l'as bien assuré ? C'est un vrai changement de vie. Avec l'assurance scolaire Matmut, ça aussi c'est du sérieux. Et c'est moins cher la première année au lycée. Offre valable du 1er juillet au 30 septembre 2016 pour toute première rentrée au nouveau cycle scolaire. Conditions en agence ou sur matmut.fr. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. Il y a des magasins de fenêtres, niveau choix, c'est vite vu. Et puis à la paire, avec ses fenêtres PVC disponibles en 156 coloris et dans toutes les tailles. Et jusqu'au 12 septembre, la paire vous offre jusqu'à 25% de remise immanquable sur les fenêtres sur mesure PVC. Moins 25% sur les fenêtres sur mesure. La paire, je vous le dis, il n'y en a pas deux. La paire, menuiserie, cuisine, salle de bain. À partir de 4 fenêtres PVC, conditions sur lapaire.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Deux cas ont été lancés, un troisième va arriver, vous êtes nombreux à nous appeler au 3210, vous avez raison, nous sommes la solution peut-être à vos problèmes. Et puis nous allons faire également, puisque nous le faisons chaque jour, un retour sur les cas d'hier, puisque c'est déjà le deuxième jour, mais également des retours sur les cas de juin, mai, etc. Ça continue de négocier hors antenne. La pause musicale, et c'est vous Marie qui allez nous expliquer, parce que Marie, pendant l'été, est allée chez les jeunes, le Fun Radio, elle avait marre d'être avec les vieux, donc elle est allée sur la radio musicale préférée des Français, nos copains de Fun Radio. Alors, elle va nous dire qui est ce DNCA avec Cake by the Ocean. Oh là là, j'ai pas préparé du tout. Voilà. C'est de la musique très jeune, c'est sûr. J'ai aucune idée. Mais je vais vous dire une chose. Si c'est pour dire ça, je pouvais le dire moi-même. Je m'en Et pourtant, je suis pas sur Fun Radio. Est-ce que vous savez, pour l'anecdote, Marie, vous le direz à vos copains de Fun Radio quand vous y retournerez là-bas, que j'étais le premier animateur de France, le premier à dire « Vous écoutez Fun Radio, il est ». À l'époque, j'animais sur une autre radio qui s'appelait L'énergie, c'était un réseau où il n'y avait pas de, tête de pont à Paris. Chaque radio était indépendante. Et un jour, comme j'étais étudiant, je faisais 22h minuit. Et donc, pour dire au revoir, je disais Énergie, il est minuit. Et le chef d'antenne est venu me voir, il m'a dit, tu ne diras pas Énergie, il est minuit. Il dit, ah bon, je dirais quoi alors ? Tu vas dire Fun Radio, il est minuit. Je dis, mais pourquoi je dirais ça ? Parce que à partir de maintenant, c'était archi secret. On devient Fun Radio, on sort du groupe. C'était énorme. Deux radios en même temps. Il y avait Bordeaux, je crois, et Montpellier, me semble-t-il. Reichmann, je me demande s'il n'était pas dans le coup à Toulouse, un truc comme ça. Et donc, j'étais le premier à prononcer ce nom. Voilà. Oh, ouais. C'était il y a combien de temps ? C'était très émouvant. Alors ça, la question, c'était il y a combien de temps ? J'entends plus. On est sous un... Allô ? Ça va être fait, quoi ? Non, je ne sais plus. Oh là là, j'entends pas. Est-ce que c'est ce jour-là que vous êtes trouvé dehors et de ne plus pouvoir rentrer de la radio ? Il faut se taire, monsieur, ça commence. Ah bon. Stop, on va couper. Je m'adresse au service technique. Puis-je discrètement avoir un bouton qui me permettrait de couper le micro d'Hervé Pouchol à discrétion? Merci. Je vous raconterai. Je ne fais qu'une anecdote par jour, Hervé. Mais demain, je vous raconterai, puisqu'Hervé le souhaite. Si les auditeurs le veulent, ils le demanderont sur Facebook. La fois où je suis resté coincé à l'extérieur de la radio, j'étais tout seul dans la radio avec le disque qui tournait. You're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. Living dangerously. Une nouveauté RTL, toutes les nouveautés sont chaque matin dans le 9h30, 11h RTL. Nous revenons sur le cas de Michel. Michel, vous êtes en ligne ? Oui, je suis toujours là. Alors Michel, oui. Quelle galère pour essayer d'avoir un interlocuteur chez Sogemac Habitat. D'un autre côté, il n'était pas prévenu, on appelle spontanément. Sarah, où en êtes-vous ? Alors nous avons bien avancé, on m'a expliqué que le responsable maintenant, ce n'était pas disponible, Maxime Bournac. Mais effectivement, on vient de nous passer M. Ducrot, qui est responsable de l'agence Paris et qui est avec nous sur l'antenne Julien. Super, Monsieur Ducrot, soyez le bienvenu sur l'antenne d'RTL en direct. Oui, Monsieur Ducrot, pardon de vous déranger, je pense que ça ne doit pas être agréable, mais on a estimé qu'il fallait vraiment intervenir vite, parce qu'il y a une dame de 94 ans qui est au quatrième étage, apparemment sans ascenseur, d'après ce que dit son fils, depuis environ 3 mois. Alors, comment peut-on sortir de cette situation, s'il vous plaît, monsieur ? On va en sortir alors le plus rapidement possible, effectivement. Nous, de notre côté, Sogemac Habitat a effectivement affaire à un prestataire, un ascensoriste, avec l'appui d'une assistante maîtrise d'ouvrage qui a étudié la question de cet ascenseur qui commence effectivement à dater et qui présentait quelques dangers de fonctionnement, à savoir un contrepoids qui frottait dans la gaine technique et qui pouvait causer des dommages plus importants. Donc nous avons réussi à le dépanner momentanément et le remettre en fonction du troisième au cinquième étage, puisque les étages inférieurs... c'est là monsieur, que je permettez-moi de vous interrompre, c'est pour aller à l'essentiel. Oui. Aujourd'hui, quel est le calendrier? Alors, qu'est-ce qui va se passer pour cette dame? Le calendrier, c'est que nous avons engagé des travaux auprès de l'ascensoriste qui nous annonce un délai de 3 mois. À partir de maintenant? Alors non, ça fait déjà quelques temps. Ça fait déjà quelques semaines. Il faudra que je recherche les dates. Qui est l'ascensoriste, sans indiscrétion, monsieur, s'il vous plaît? C'est Coné. D'accord. Voilà. Alors qui nous annonce effectivement un délai, puisque c'est bon, voilà. Alors il manque quoi? Une pièce techniques. C'est parce que c'est une pièce qui leur manque. Non, on remplace tout. L'ensemble. Et pour remplacer l'ensemble, ils ne peuvent pas le faire avant, donc, maintenant, un mois et demi, deux mois, c'est ça? Voilà, c'est bon, ça. Bon, alors, on va essayer de faire accélérer les choses. Ça, c'est la première question, la partie technique. On va voir si Coné veut bien accélérer. Hervé, c'est votre mission. Mais après, est-ce qu'il y a d'autres possibilités pour cette dame? Oui, comment? Est-ce que vous n'avez pas une possibilité d'avoir un appartement en rez-de-chaussée, par exemple, quelque part? Parce que là, c'est une situation qui dure. Heureusement, il y a eu le mois de vacances. Sa famille a pu l'apprendre, mais c'est quand même des situations qui sont difficiles à vivre à cet âge-là. Bien sûr. Alors, pour l'instant, l'ascenseur est en service, mais alors partiellement. Vous dites que son étage n'est pas desservi. Alors, il fonctionne jusqu'au cinquième étage, du troisième au cinquième. Elle est au quatrième. Alors, effectivement. Alors, donc après, au troisième étage, elle doit tout faire à pied quand même. Donc, il va au 3, il va au 5. Voilà. Mais bon. Il ne va pas au 4. Du troisième au cinquième. Troisième, quatrième, cinquième. C'est tout ce qu'il fait, d'accord. Ah, il va pas jusqu'en bas. Donc, enfin, elle a quand même trois étages, on va dire, à monter et à descendre pas pour mal, un oui ou un non. Ouais. Donc, alors, malheureusement, nous, on aurait bien voulu qu'il fonctionne. Non, mais... c'est 100%, génial, ça. Hein, je vous rassure. Écoutez, moi, je vais me pencher, je vais me rapprocher de cette personne. Hein, s'il vous plaît, parce qu'au moins s'assurer que tout va bien. Encore une fois, cette dame a 94 ans, bien elle sûr. Est seule dans cet appartement. Alors, évidemment, son fils l'aide beaucoup, mais il travaille. Essayons de voir. Bon, et si vous le voulez bien, et si vous aviez un contact à me donner en antenne chez l'ascensoriste, essayer de voir si on peut nous faire accélérer un petit peu les choses pour le bien de tout le monde, le vôtre et celui du maire de Michel, d'accord? Oui, bien sûr. Merci de nous avoir parlé, monsieur. En tout cas, les travaux sont engagés. Ça marche. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Alors, nous avions donc un responsable de la SOGEMA qui nous donne maintenant en antenne, s'arrête en train de le récupérer, le numéro de l'ascensoriste, et on va essayer de voir si l'ascensoriste ne peut pas accélérer un petit peu les choses. Gros dossier, celui-ci. Vous voyez, ça part de rien au départ, mais alors, l'ascenseur qui ne va que du 3 au 5, là, je reconnais que c'est quand même assez compliqué. J'appuie sur le numéro 3. Presque. Alors, ça doit changer tous les jours. Chaque matin, il y a une note de service, cher locataire. Ce matin, l'ascenseur desservira les étages 4, 6 et 7. Pour le 5, changement au 4. L'ascenseur qui était censé aller au numéro 4 vient d'entrer à l'instant en gare. Il desservira les étages 2 et 8. Attention, correspondance pour le 3 par l'escalier de service. Mais c'est la SNCF ce truc, c'est génial. Enfin c'est génial, c'est grave mais c'est génial. On n'a pas parlé parce que c'est un responsable technique à ce monsieur du loyer. Je pense qu'il faudra que Sarah s'en occupe pour... C'est la moindre des choses, je pense. Oui. Vous êtes sur RTL, nous ferons le point sur la banque, on ne l'a pas oublié. L'ascenseur, c'est en route et un cas aussi arrive dans quelques instants. Si on a le temps de le faire, vous allez adorer. La croisière où on ne voit rien. C'est ainsi que nous l'avons appelé, parce que les retours de vacances sont souvent catastrophes. J'attends d'ailleurs au 3210 vos galères de vacances. Ne manquez pas ce cas. À tout de suite dans le 9h30, 11h. Baron de l'Estac. Oh, avec tous ces vins, pas facile de choisir. Ah, pardi, choisissez-moi. Baron de l'Estac. Pas besoin d'hésiter, allez-y tout à traque. Rouge, blanc ou rosé, à votre convenance. Parmi tous les Bordeaux, je suis la référence. Vous voulez harmonie, élégance et goût fin? C'est Baron de l'Estac. Ne cherchez pas plus loin. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Attention, nouvel événement Bouygues Télécom. Je t'écoute. En ce moment, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. 14,99€. Avec 170 chaînes TV, oui. Plus le replay, oui. Plus 5000 films en VOD. Mais attends, tu vas un peu vite, j'ai pas eu le temps de noter. Normal, c'est du haut débit. Chez Bouygues Télécom, la Bibox Miami est à 14,99€ par mois pendant un an, au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3€ par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Parlons des pros avec Renault Pro Plus. Bon Nadia, je file, j'ai 5 interventions à faire ce matin. Ah non, 6. Monsieur Dubois vient d'appeler pour une fuite à réparer. Désolé. Avec EasyPack Pro, Renault vous simplifie la vie. Trafic est à 189€ par mois sans apport. Tout est inclus, entretien, garantie, assistance. Loyer Tax Crédit Bail maintenance 60 mois, 80 000 km pour trafic fourgon. Sous condition de reprise, réservée aux professionnels jusqu'au 30 septembre, si acceptation par Diakassa, voir Renault.fr. RTL présente le Vampitour, la tournée événement des stars de ta série préférée Chica Vampiro est de retour. Retrouve Daisy, Max, Marilyn et Mirko au Zénith de Paris le 2 novembre et en tournée dans toute la France du 19 octobre au 6 novembre. Réserve vite tes billets dans les points de vente habituels et sur RTL.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Le 9h30-11h sur l'antenne d'RTL avec la grande enquête qui va démarrer maintenant. Et c'est un nouveau cas, c'est le cas de Catherine. Tout a commencé par un message qu'elle nous a laissé sur le 9h30-11h, le répondeur 3210. Je suis graphiste, j'ai travaillé pour un club privé, très branché, qui fait tout pour jouir d'une image de marque, mais il me doit 7 600 €. J'ai même eu droit à des chèques en bois. Alors nous avons Catherine qui est en ligne avec nous, bonjour Catherine. Bonjour. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'RTL. Merci. Tout de suite, expliquons en deux mots que quand on dit un club très privé, très branché, nous on est parti tout de suite dans les tours, on s'est dit waouh, la nuit, les femmes, les hommes, non c'est pas du tout ça, expliquez-nous. Alors en fait, c'est un club privé avec de multiples événements culturels, du cinéma en passant par le concert, une galerie d'art, avec aussi des discussions littéraires où ils invitent des artistes prestigieux. Mais quand vous dites que c'est très privé, c'est vraiment, il faut être parrainé, c'est vraiment, il faut payer. Alors en fait, il faut, exactement, c'est un club où l'on a une carte de membre et si on n'a pas cette carte, on ne peut pas rentrer. Et combien coûte-t-elle ? Environ 1 000 à 1 500 €. Ah oui, c'est effectivement très privé. Alors, exactement. Il y a un an, vous avez travaillé tous les mois pour ce club et à chaque mission effectuée, c'était toute une histoire pour vous faire payer. Vous attendiez parfois exactement. Des mois pour être rémunéré de sommes qui ne correspondaient pas toujours au montant dû et vous aviez même reçu des chèques en bois, vous l'avez dit. Aujourd'hui, le club vous doit combien ? Alors aujourd'hui, le club me doit 7 600 €. Bien. Et vous nous appelez pour ça, parce que quand vous les appelez, que vous disent-ils ? Alors ils disent qu'ils vont faire un point, qu'ils doivent s'organiser, qu'ils sont soit les gens ne sont pas là, ou ils n'ont pas de nouvelles du directeur, ou celle qui est chargée de me répondre est en vacances, ou voilà. C'est sans arrêt, je me fais balader en fait. Alors nous avons un petit peu enquêté Catherine, nous allons appeler dans une seconde pour avoir des explications en direct, et là je vais maintenant présenter à nos auditeurs notre nouvelle venue dans l'équipe, elle s'appelle Charlotte, applaudissements pour Charlotte qui va faire sa première intervention, ça va Charlotte ? Ça va bien, merci. Pas trop tendu ? Non, ça va. Bon Charlotte, il faudra qu'on fasse un point sur votre carrière, je vous attendrai donc, comme je l'ai fait avec toutes les autres, à l'Ibis de Gare au Nord à 16h. Bon alors Charlotte. Charlotte, soyons sérieux, qu'avez-vous à nous dire sur ce dossier ? Alors, on a essayé évidemment de contacter le gérant du club privé pour lequel Catherine travaille, puisque le 22 août, c'est-à-dire lundi dernier, ce gérant a écrit à Catherine qu'il rentrait de Paris en fin de semaine et qu'il ferait à ce moment-là le point sur son paiement. On l'a donc appelé vendredi, nous étions le 26 août, il était censé avoir fait ce paiement le jour même ou la veille, et pourtant, vous allez l'entendre, il avait l'air de ne pas connaître la situation de Catherine. Pas au courant des détails du dossier, mais je peux vous rappeler, si vous me rappelez lundi, je m'en renseigne. Vous n'êtes pas au courant de cette situation ? Je crois que c'était une de vos graphistes. Mais j'ai beaucoup de trucs à gérer, donc je suis au courant qu'il y a un truc, mais je sais pas le montant et je sais pas, donc je vais regarder. Ça vous dit rien ? Parce que ça fait quand même un an, hein, je crois que vous savez qu'elle attend cet argent. Oui, et... Si vous me rappelez lundi, je vous renseigne. Là, vous pouvez vraiment rien me dire ? Non. Donc voilà, et depuis, elle n'a aucune nouvelle, il ne l'a jamais rappelé comme il était convenu qu'il le ferait. Alors, quel est votre sentiment, vous, Catherine ? C'est qu'il n'y a plus de sous, c'est qu'on vous traite par le dédain ? Qu'est-ce que c'est l'histoire ? Bah, c'est un peu les deux, j'ai l'impression, en fait. Le problème, c'est qu'ils appellent plein de prestataires. Je suis au courant, en fait, j'ai quand même des confrères, alors c'est soit les imprimeurs, ou peut-être les photographes, ou les gens qui travaillent dans le lieu, qui sont également prestataires, et en fait, ils baladent un peu tout le monde, alors, ils demandent un maximum de choses à faire aux gens, et après, ils les payent pas. Justement, Catherine, Charlotte, apparemment, elle n'est pas la seule. Hein. Oui, alors elle n'est pas la seule à rencontrer ces difficultés. On a aussi réussi à joindre un prestataire de ce club qui lui souhaite rester anonyme, mais qui nous a confié avoir toujours eu ces problèmes récurrents pour être rémunéré. Écoutez-le. on produit, on fait des devis, ces devis sont serrés, on produit, on livre et après on n'est jamais payé. Donc il faut aller chercher les interlocuteurs. Ces interlocuteurs sont super éphémères, c'est-à-dire qu'ils sont là un temps et puis disparaissent. Les gens qui sont censés être responsables et à même de pouvoir engranger les règlements, ils ont un pouvoir limité. Puisque bien souvent, les réponses, c'est bon, ben écoute, on n'arrive pas à avoir le chèque, on n'a plus de chéquier, on n'a pas les signatures. C'est ce genre d'effet. Et ça dure. Puis vous pouvez rester des mois à ne pas être payé. Et la précarité est plus importante encore pour tous les indépendants, les gens qui sont en libéral. Pour eux, c'est l'enfer. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Catherine, puisqu'elle est graphiste freelance pour ce club. Bien, Catherine, nous allons les appeler, Maître Fellonneau. Oui, effectivement. Alors là, c'est d'après ce que j'ai compris, il y a des devis qui sont signés, acceptés, le travail est fait et livré. Et payé avec du retard et parfois pas du tout. Écoutez, c'est un contrat qui se passe mal, on va leur expliquer que c'est pas comme ça que ça se passe. Ils veulent éviter la case tribunal où ils seront forcément perdants puisqu'on demandera des dommages et intérêts supplémentaires par rapport au principal. Nous allons avoir une précision du rédacteur en chef Alain Hazard qui prend maintenant le micro de sa voix suave. Julien, comme on a fait une vraie enquête, nous avons également un... Quand il dit nous avons fait une vraie enquête, c'est, il vous non. signifie que depuis 15 ans, nous pas faisions du tout. D'abord, je ne suis des pas petites enquêtes de merde. Catherine, et aujourd'hui, pour la première fois, il vous signifie qu'il y a des vraies. Et c'est tombé sur vous, Catherine. C'est vraiment un gros cas. On a eu beaucoup de gens qui voulaient parler sur ce club. Et nous avons notamment également avec vous, en ligne avec nous, un photographe qui lui aussi a des soucis de prestations avec ce club. Alors je le prends en ligne. Bonjour, monsieur. Bonjour. Donc vous avez été photographe pour des événements pour ce club ? Oui, voilà. On était plusieurs photographes à photographier notamment les concerts et les différents événements qu'il y avait les soirs là-bas. Est-ce qu'il y a des fois où vous avez été payé ou vous n'avez jamais été payé ? À les trois premières années, ça allait à peu près, avec un peu de décalage, un peu de retard. Et puis depuis, ils ont pris du retard accumulé, c'est monté jusqu'à pas loin de 10 000 euros. Et puis on est revenu maintenant à 1 500 qui refusent de solder depuis pratiquement un an. Et est-ce qu'ils vous reprochent une mauvaise prise de vue ? Est-ce qu'ils vous reprochent de mauvaises photos ? Ou est-ce qu'ils ne paient pas tout simplement parce que ils n'ont pas envie de payer ? Absolument pas. C'est une question de fonds. Hein. C'est une autorité publique qui sont en manque de fonds régulièrement et qui font appel à différents investisseurs pour remonter leur compte en banque quand ils n'ont pas garé leur chéquier. On est bien d'accord pour dire que s'ils n'ont pas l'argent, malheureusement, on ne va pas pouvoir l'inventer. Mais ce qui est embêtant dans cette histoire, c'est qu'ils continuent à faire travailler des prestataires. Non, mais le paradoxe, c'est le train de vie des personnes qui se revendiquent en fait, c'est-à-dire d'être dans une forme de hype parisienne et de voyager énormément. On les retrouve à Los Angeles, à Miami. Et le paradoxe, c'est que ils sont pas capables de payer les prestataires qui font un travail sérieux. Dans une seconde, Maître Fellonneau donnera son analyse et nous allons lancer en direct l'appel sur RTL. Petit message Peugeot en forme de chef-d'œuvre. Devant vous, la 208 Style, l'expression même de la citadine moderne. Avec écran tactile Bluetooth et aide au stationnement arrière. Une œuvre signée Peugeot, dont je vous laisse admirer le prix. Pendant les immanquables Peugeot, la 208 Style suréquipée est à partir de 149 euros par mois. Avec 3 ans d'entretien et pièces d'usure, de garantie et d'assistance offerts. LLD 37 mois à 30 000 km sous réserve d'acceptation crédit par. Détails sur PeugeotWebstore.com. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Bonjour, Pierre Elmalek, président de Maison de la Literie. Je suis à Salon de Provence dans le magasin de Ghislain Pérez. Alors, cette rentrée ? Une rentrée sous le signe de la nouveauté. Avec ce matelas latex à 699 euros seulement. Un système d'aération optimal et 23 cm d'épaisseur pour plus de confort. Le meilleur du latex à prix exceptionnel, c'est jusqu'au 18 septembre. Bonjour la nuit, Maison de la Literie. Et le meilleur chaîne de magasins de l'année. Voir conditions sur maisondelaliterie.com. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous avons toujours, pour cette enquête, cette auditrice qui nous dit « Catherine, j'ai travaillé pour un club où il faut payer plus de 1000 euros pour assister à des choses très, comme l'on dit, hype. Qu'est-ce qu'il y a comme, montrez-nous, redonnez-nous quelques exemples, Catherine, des vernissages, des expos photos, pour participer à quoi exactement ?» Oui, bah en fait, il y a beaucoup d'événements dans ce lieu de 18h jusqu'à 6h du matin. Donc, il y a un dance floor, il y a une scène où plein de concerts passent, des cocktails, des vernissages d'expositions, un ciné-club avec des films, par exemple, de séries des années 60 ou des choses comme ça. D'accord. Maître Fellonneau. Oui, alors, ce sont des gens qui sont qualifiés par la presse de rois de la nuit. Ils ont une créativité absolument extraordinaire. D'abord, ils sont à la tête de plusieurs établissements parisiens. Et surtout, ils ont des idées géniales. Ils font des espèces de boîtes ou hôtels ou éphémères. Ah oui. Donc, ils sont tout à fait dans l'événementiel. Ils font des one-shots. Alors, je suppose effectivement que sur les dizaines et dizaines d'idées qu'ils développent, eh ben, il y en a certaines qui sont un flop financier, qui pourraient expliquer que ça paraît très paradoxal qu'une société avec des gens si créatifs et qui fait autant de choses, finalement se retrouve avec de moins en moins de finances. Lançons l'appel numéro 1 en direct, tous les numéros sont faits. Alors nous allons démarrer par votre principale interlocutrice là-bas. Nous allons voir ce qu'elle va dire. Derrière, en parallèle, nous allons tenter le comptable et en 3, le directeur. Nous démarrons par cette principale interlocutrice qui est consultante en communication. C'est elle donc qui vous lançait l'émission, Catherine ? Oui, entre autres. D'accord. Alors, là on a par exemple un descriptif sur le net des activités. Le club accueille le meilleur de la culture parisienne. Tom Dixon. Coralie Gauthier. Cat Power. N'est pas disponible pour le moment. Merci Raté. De laisser un message. Non, on ne laisse pas. On passe au niveau 2. Nous allons maintenant attaquer, si vous le voulez bien, maintenant. Donc ce que nous avons dit, le comptable. Voyons si le comptable va nous parler, comme dans les tontons flingueurs, de quelques embarras dans la comptabilité. C'est parti. Nous sommes donc avec... Allô ? Oui, François ? Allô ? Oui, François ? Oui ? Monsieur Bourdin, bonjour. C'est Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Je me permets de vous appeler car je suis avec une prestataire de votre association, Catherine Gabillon, qui nous dit qu'elle n'est pas payée depuis pas mal de temps et à qui on doit 7 623 €. Elle va vous parler. Elle est en ligne avec nous. Catherine, vous pouvez expliquer. Ce monsieur pourrait croire que c'est une blague. Oui, bah, c'est absolument pas une blague. François, c'est au sujet de mes honoraires qui ne sont toujours pas soldés. J'attends le paiement, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a un souci particulier, monsieur ? Je suis un petit peu surpris de fait de vous avoir au téléphone, tout simplement. Ah ben ça, je comprends, monsieur, si on le fait, c'est parce que cette dame, maintenant, elle a un petit peu le couteau sous la gorge et elle a travaillé, elle n'a pas été payée. Non, je comprends bien. Je pense que... Mais quelle réponse vous lui donnez avant de passer à la radio, quand elle vous appelle en vous disant « s'il vous plaît, j'aimerais bien être payé, j'ai travaillé ». Je pense que si elle est passée par votre intermédiaire, je pense qu'elle vous a expliqué que ce n'est pas moi qui suis décisionnaire de règlement des prestations. D'accord. Mais vous, en tant que comptable, est-ce qu'aujourd'hui, l'association est sur le point de fermer ? Il n'y a plus d'argent ou vous pourriez le faire non, et quelqu'un pas, en... D'accord. Pas ma connaissance. Bon, donc c'est quelqu'un, celui qui signe les chèques, ne les signe pas. Comment ? Celui qui signe les chèques, en fait, ne les signe pas. Voilà, tout à fait. Bon, eh bien, écoutez... Alors, attendez, qui est le donneur d'ordre, justement ? Bonjour, monsieur Maître Fellonneau, je suis l'avocat de l'émission, hein, absolument pas de ce prestataire. Qui décide qui sera payé et quand ? En l'occurrence, ce n'est pas moi. Non, ça, j'ai bien compris, monsieur, que... Monsieur ne va pas vous donner le d'accord. nom. D'accord. Est-ce que c'est Arnaud Friche ou pas ? Le gérant ? Je pense que vous avez les moyens de vous renseigner. Allô ? Une alerte, s'il vous plaît, passez-le-moi. Nous l'avons en ligne. Allô ? Oui. Oui, monsieur Friche ? Oui. Bonjour, monsieur Julien Courbet, à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio RTL, monsieur Friche. Monsieur Friche, je suis avec Catherine Gabillon qui nous dit que vous lui devez 7 623 €, je crois. Malheureusement, monsieur Friche a raccroché, d'accord. Je le rappelle. Bon, eh bien, en plus, vous appelez Sarah Friche vous-même, donc ça va aller très très bien. Bon, alors on va laisser tomber ce monsieur, on va le remercier de nous avoir parlé. Monsieur François Boudin, le comptable, qui est effectivement un comptable, n'a pas la signature si on ne lui a pas donné. Donc non. Lui, si on lui dit pour l'instant, on ne paie pas. Oui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il semble nous dire, je ne suis pas tellement au courant de problèmes dans la société, c'est celui qui signe. Ça, vous vous en doutiez, Catherine, de ce genre de réponse? Oui, en fait, le comptable a toujours été vraiment coopérant avec moi. C'est clair que lui, il n'a aucun pouvoir sur les paiements. Et il me renseignait comme il pouvait. Donc, voilà, moi, je n'étais pas au courant. Finalement, l'entreprise se passait, florissait et n'avait pas de problème d'argent. C'est parce que j'ai pas eu ce sentiment vu qu'il ne paye pas. Bien, nous allons donc laisser Monsieur Friche finir son rendez-vous. Nous ne sommes pas là pour l'ennuyer, nous sommes là pour lui faire juste comprendre qu'on ne peut pas faire travailler des gens, leur devoir 7 623 € et après organiser des cocktails, des concerts, etc. Alors qu'il y a des gens qui ne sont pas payés. Une alerte apparemment, Hervé Pouchol, j'arrive, ne bougez pas. Hervé Pouchol, je vous écoute. L'assistant de production du Silencio qui est en ligne. Ah, bonjour madame. Bonjour, de communication, pas de production. Ah, ça tombe bien. Vous passer la production. Si non, vous non, c'est encore mieux la communication, car c'est Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Je me permets de vous appeler car je suis... Oui, c'est pas une blague, madame. Je vous mets un petit jingle. RTL. Je suis avec Catherine Gabillon, à qui l'association apparemment doit 7623 euros. Elle n'a pas été payée pour plusieurs prestations. Elle est en ligne, elle va vous dire bonjour. Bonjour. Alors, vous avez travaillé sur quel projet, Catherine ? Bah, à peu près sur tout leur support de communication, c'est-à-dire le programme mensuel qui annonce toute l'actualité. Quel était votre métier, Catherine ? Vous êtes graphiste ? Alors, je suis graphiste en bête en vente et je fais de la direction artistique. Et je conçois des logos, des identités visuelles et des supports de communication pour des lieux ou tout un tas de choses. Et il y a Julien... Pardon, je vous coupe parce que... Allez. Excusez-moi, comme on finit à 11h, il y a aussi Julien Mignot, photographe, qui est en ligne, qui n'a pas été payé. Alors, comment peut-on faire, madame ? Est-ce que la société a des difficultés particulières ? Comment peut-on avancer ? Allô ? Madame de la communication ? La communication. Ah, raccroché. Ah bah, dis donc, une communication qui raccroche. C'est le nom en plus ? Oui. Ah, ça fait cartouche de café un peu, mais ceci étant dit, non, eh oui, silencio. C'est pas vrai. Souvent, on prend un silencio, un repetto, un espresso. Oui, oui. Bon, alors, chez silencio, c'est le silencio. Ça tombe bien. Nous allons donc relancer le porte-voix en appelant, s'il vous plaît, monsieur Arnaud Frisch. Monsieur Arnaud Frisch, pouvez-vous juste expliquer à ces gens qui ont travaillé pour vous pourquoi ils ne sont pas payés, alors que le comptable semble dire, moi, je pourrais les payer, mais je ne suis pas le donneur d'ordre. D'accord ? Merci. Dès qu'il y a du nouveau, vous me le dites. Bon, alors, pour repeindre ton couloir, il te faut deux choses. Un rouleau ? Ouais, ça j'ai. Et du savoir-faire. Ah ouais, mais ça j'ai pas. Non, oublie, j'y arriverai jamais. Mais t'as des voisins. Des voisins ? Oui, des voisins. Alors tu vas sur Allo Voisin, tu fais ta demande « Cherche peintre pour repeindre mon couloir » et hop, tes voisins te répondent. Allovoisin.com. Besoin d'un service ? D'un coup de main pour la maison, le bricolage ou le jardinage ? Demandez simplement sur allovoisin.com et vos voisins vous répondent en temps réel. Allovoisin.com ? C'est très utile, un voisin. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron ? T'es la foire au vin Lidl, j'espère ? Oui, et cette année, c'est un cru d'exception. Dès demain, les deux bouteilles de Bordeaux Terre d'Exception 2015 AOP médaillée d'or, dont une gratuite, sont à 3,78€. 1,89€ la bouteille. Moins de 2€ pour ce Bordeaux médaillé d'or chez Lidl. C'est ça. Mais nous, on fait pas exception à la règle. Comme d'hab, on est mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 2,52€ le litre au lieu de 5,04€. La bouteille à l'unité, 3,78€. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Avec Télé 7 jours, The Beatles. Retrouvez réunis pour la première fois dans une collection inédite tous leurs albums originaux entièrement remasterisés dans une superbe édition de luxe. The Beatles, la collection événement. Cette semaine, le CD numéro 1, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, 9,90€ seulement avec Télé 7 jours. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Bien, dites-moi, Charlotte, hein, pour votre première enquête, c'est du lourd, cette histoire. Je récapitule. Catherine a travaillé comme graphiste chez Silencio. Silencio, un club très branché parisien, où il faut payer pour pouvoir assister dans un lieu à différentes prestations artistiques de haut niveau complètement folles. Des gens travaillent pour cette association, mais ne sont pas payés. C'est ce que nous dit Catherine. C'est ce que nous dit également Julien. Julien, je vous ai coupé, pardonnez-moi la chic, il y a quelques instants, que vouliez-vous nous dire ? Non, pas de problème. Pardon. J'écoutais ça avec attention. Est-ce que vous avez... ça vous surprend, là, tout ce qui est en train de se passer sur l'antenne d'RTL ? Non, pas vraiment. J'ai l'impression qu'effectivement, la directrice de la communication nous a raccroché au nez. Monsieur, alors lui, le pauvre, il était en rendez-vous. On ne va pas le blâmer, on va essayer de le rappeler. Il est toujours en rendez-vous. Oui. C'est un peu le problème. De toute façon, à partir de maintenant, vous connaissez le principe, on lance le fricheton, à savoir essayer d'avoir tout. Mais oui, on va lancer un fricheton. Le fricheton, c'est demander à Monsieur Frisch de bien vouloir donner quelques euros pour Catherine et pour Julien qui ont travaillé. Est-ce qu'après, on n'en est pas là aujourd'hui, on en est à la négociation, mais est-ce que vous avez été ou prud'homme, non, parce que vous êtes tous les deux des professionnels ou inspection non, j'ai demandé directement je suis passé par le tribunal de commerce en fait, j'ai lancé les démarches. Oui. D'accord. Voilà, parce qu'on en est arrivé à 1 500 €, ce qui était quand même un peu moins que ce qu'il devait au départ, donc c'est juste pour accélérer la manœuvre en fin de course, disons. Quoi qu'il là, arrive, ça devient Catherine un petit peu épuisant, en fait. Et Julien, non, mais on va se retrouver demain, après-demain, puisqu'à partir de maintenant, ce dossier devient prioritaire et tous les jours, nous allons relancer la machine. Il n'y a aucune raison qu'on ne vous donne pas une vraie explication. On ne peut pas. S'il n'y a plus d'argent, on le dit, ça veut dire que le silencieux va être liquidé, etc. Soit il y a de l'argent, on vous le donne, soit il y a des difficultés, ce qui peut arriver, on ne met pas le couteau sous la gorge, mais dans ces cas-là, on fait un moratoire, 200, 300 par-ci, et on finit par payer. J'en profite pour rectifier, vous parlez d'association, c'est une société tout à fait normale. Ah, c'est une société, je pensais que c'est une association. C'est pour ça que j'entendais l'association, je me disais, qu'est-ce qu'il me raconte ? Non, c'est une société tout à fait classique, et d'ailleurs, ces gens-là ont créé plusieurs endroits. Il y en a qui sont hyper connus, même moi j'y vais pour vous dire, alors ils sont beaucoup moins fermés que celui-là, mais ce sont les mêmes dirigeants, donc ce sont vraiment des gens actifs. Vous vouliez dire, Julien. C'était l'argument de dire, on a des clubs qui marchent beaucoup mieux pendant l'été, donc du coup on va faire du cash avec ça, et puis une fois qu'on aura récupéré un peu d'argent, on vous paiera à la rentrée. Exactement, moi aussi on a toujours dit ça. Ça arrive tous les étés en fait, c'est un petit peu comme ça. Et j'adresse aussi un petit message à tous ceux qui participent au Silencio, sachez que malheureusement il y a des gens qui ne sont pas payés, donc peut-être pouvez-vous vous faire entendre raison. On s'est retrouvés à 15 photographes déjà dans leurs locaux plusieurs fois pour aller réclamer notre vue, en fait, c'est déjà arrivé plusieurs fois. À 10h41, sachez-le Catherine, sachez-le maintenant, mon cher Julien, nous lançons le fricheton. Fricheton. Okay, super. Le fric, c'est chic. Fricheton. Voilà, et tous les jours, il y aura le fricheton. Donc demain matin, on vous tient au courant, Sarah vous rappelle, dès qu'on a du nouveau, mais vous êtes prioritaire, il peut se passer des choses d'ici 11h. On ne sait jamais, Hervé peut nous faire le coup du Père François, il l'a déjà fait par le passé. Non mais s'il faut y aller à 1h du matin, j'irai moi. Ça, évidemment, juste avant d'aller vous coucher. Nous allons faire un point sur tous les cas, relancer un nouveau cas dans quelques instants, faire le point aussi sur ce qui s'est passé hier, sur ce qui s'est passé avant l'été, car ça évolue jour après jour, après avoir écouté Le Cœur Éléphant. C'est le retour, c'est le troisième extrait déjà, des ombres et des lumières, des frères de la Vega. Au-delà des orages, je pars en voyage. Mon âme en vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Les frérots de la Vega sur l'antenne d'RTL, ils ont le cœur éléphant. Vous voyez, si j'avais dû moi choisir quelque chose chez l'éléphant, bizarrement, ce n'est pas forcément tout de suite vers le cœur que je me serais tourné, mais chacun fait ses choix dans la vie. Maître Vélono qui ne nous a toujours pas donné l'identité du Pokémon qu'elle a chassé tout au long de l'été et qu'elle a attrapé et qui, à partir, évolue très bien. On en est à quel stade d'évolution ? Alors écoutez, je travaille sur le sujet. Je travaille. Bon, c'est parfait. Hervé Pouchol, le temps surnommé Razibus dans le milieu des Pokémon. Faisons le point info maintenant, si vous le voulez bien. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Et ça a démarré avec Philippe. Voilà ce que Philippe nous a dit. Problème bancaire qui peut vraiment arriver à n'importe qui. Et nous vous l'avons expliqué dans le 9h30-11h. Vous n'y êtes pour rien, vous êtes chez vous, vous êtes tranquille. Et votre banque prend des décisions qui vont vous mettre par la suite dans des situations très délicates. Ma banque m'a rejeté 17 prélèvements par erreur. Elle reconnaît son erreur. Maintenant, je risque l'interdit bancaire et ma banque ne fait pas grand-chose. Et c'est là où j'aimerais vraiment que cette banque, qui est en plus la mienne, donc j'en parle tout à fait librement, nous montre qu'il y a les campagnes de communication, on vous accompagne, on vous aide, et puis il y a la réalité. Ils reconnaissent, mais il ne se passe rien. Où en est-on, Hervé Pouchol ? On a appelé, on a commencé par le directeur d'agence qui a envoyé la patate chaude à la directrice expérience client qui est en vacances. J'ai appelé sa remplaçante. Et au bout d'un moment, au bout de 35 minutes, j'ai reçu un coup de fil de la communication qui doit nous rappeler. Bon, et elle va nous faire quand la communication, elle ne sait Alors, elle ne s'est pas engagée. Donc demain, 9h30, en tout cas dans l'émission, demain, on remet ça, on ne lâche pas. Sarah, j'attends de vous que l'on ait un interlocuteur et vous vous déplacerez s'il le faut, Hervé. Oui. Puisque ça tombe bien, c'est à quelques mètres d'ici. Donc ça, c'est en attente. On va avancer, trouver une solution, on l'espère, d'ici la fin de la semaine. Michel nous a appelé spontanément vers 9h30. Il est passé vers 10h moins le quart sur l'antenne d'RTL pour sa maman de 94 ans. Ascenseur en panne depuis 3 mois, 94 ans au 4e étage. On a eu un directeur technique qui nous a dit « Si, l'ascenseur marche !» Ah bon ? Enfin, en fait, il ne va que du 3 au 5. C'est-à-dire qu'il ne va pas au 2, il ne va pas au 3, mais celui qui habite au 5 peut toujours monter jusqu'au 3 et le prendre pour 2 étages. Alors vous imaginez qu'avec les chaleurs, avec tout ce qui peut se passer, Michel est très inquiet pour sa maman. On a appris que c'était l'ascensoriste qui dit « J'ai pas le temps, là, tout de suite de venir le changer puisqu'il faut changer l'ascenseur. » One and where, puis le bailleur nous a donné une information importante. 3 mois d'attente avant les travaux. Donc, je me suis permis d'appeler la direction générale de Conné et j'ai eu l'assistante du directeur, du président directeur général qui était très touchée par mon appel et elle fait passer le message au DG. Donc on devrait avoir des nouvelles. Sarah nous tient au courant dès demain. Et nous ferons un point là-dessus demain. Enfin, Catherine, il y a quelques instants avec cette histoire et cette enquête que nous vous avons proposée sur cette société qui propose un abonnement pour vous faire participer à des choses très branchées dans Paris. Je suis une graphiste, j'ai travaillé pour un club privé, très branché, qui fait tout pour jouir d'une image de marque, mais il me doit 7 600 €. J'ai même eu droit à des chèques en bois. Nous avons d'abord appelé Coralie Gauthier, la principale interlocutrice, consultante en communication. Ça ne répondait pas. Nous avons eu Monsieur Boudin, le comptable, qui nous dit « Moi, on ne me donne pas ordre de faire l'échec, je ne peux pas faire l'échec. » On lui a demandé « Est-ce que la société est en difficulté, ne peut plus payer ?» Il dit « Pas à ma connaissance. » Nous avons appelé le grand patron Arnaud Friche, qui lui était en rendez-vous et nous a dit « Je ne peux pas vous parler. » Donc nous avons lancé le fameux « entre guillemets fricheton » pour qu'il nous rappelle assez rapidement. Vu qu'il y a d'un côté Catherine à qui il doit 7 623 € et un autre photographe qui nous dit on n'est pas les seuls à qui doit 1500. Voilà, donc nous en allons faire ça tous les jours. Oui, Sarah. J'ai laissé un message au répondeur de monsieur Friche en lui proposant un rendez-vous téléphonique cet après-midi pour faire le point sur le dossier. Je pense qu'il va me rappeler. J'espère. Voilà 3 dossiers, vous voyez, ça marche pas à tous les coups, mais c'est aussi pour ça que cette émission se suit comme un feuilleton du lundi au vendredi. Donc dès demain, on va rattaquer les 3. Je n'ai que quelques minutes. Vous n'avez que quelques minutes pour gagner l'iPhone 6S, le plus beau des iPhone Apple, 32-10, touche numéro 2 pour être sur le standard jeu, puis la touche numéro 1 pour donner la bonne réponse, ou bien le SMS RTL au 74-900. Ça s'est passé hier, ça s'est passé avant l'été, où en sommes-nous des cas ? Sarah arrive dans une seconde sur RTL. Chers parents, soyez attentifs. Chez Intermarché, c'est la rentrée la moins chère de France. Des prix hallucinants sur une sélection de produits du petit déjeuner et du goûter. Vous allez être premier de la classe en économie. Notez bien, les prix de rentrée les moins chers de France sont chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Du 29 août au 11 septembre, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Ça y est, chérie, je suis passé chez le médecin, à la pharmacie. J'ai récupéré du Mylan comme médicament. Mylan, Robert, ça se dit Mylan. Ah oui, alors évidemment, toi, tu connais ça par cœur. Mais oui, t'aurais pu demander à la pharmacie, c'est connu comme laboratoire. Tu sais que Mylan s'engage à choisir des excipients qui réduisent au maximum les risques d'intolérance. Et pour toi, ça peut être important. Eh ben non, je savais pas. Ben maintenant, je le sais. Pour plus d'informations, rendez-vous sur mylan.fr ou demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien. Mylan. Mylan. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. Vite, chérie, fais de la place dans le chariot. Ah, c'est l'opération gros volume chez Netto. Oui, jusqu'au 4 septembre, il y a 50% de remise immédiate sur le lot de 2 bidons de lessive liquide régulier Ariel Simply. Netto, le discounter qui fait la différence. 6,92€ le lot de 2 fois 2 litres 145, soit 4,29 litres, soit 1,61€ le litre au lieu de 3,23€. Ça s'est passé hier et on y revient aujourd'hui sur RTL. Hier, pour la première émission de cette 16e année, nous avons parlé du cas d'Emilien. Réécoutez son message. Mon chien serait décédé lors d'un vol en avion. Je n'en ai aucune preuve. La compagnie est incapable de me fournir un document officiel. J'ai même dû faire des pieds et des mains pour récupérer un vague récépissé où il est écrit « irrégularité de bagage ». Voilà, donc il y a un vol qui se fait en 2 étapes avec une escale. À l'escale, il veut voir son chien. On lui dit non, mais vous occupez pas de votre chien. Montez dans l'avion, tout va bien, on peut pas le voir à l'escale. Et il apprend par la suite que le chien est décédé. Il ne l'a pas vu, il ne sait pas ce qui s'est passé, il n'a pas de certificat vétérinaire. Une histoire complètement folle, avec beaucoup de dédain, il nous l'a dit hein, quand il a appelé, parce que c'est un bagage pour eux qui s'est perdu. On comprend pas que ce monsieur puisse faire toutes ces démarches, c'était quand même son chien. On ne sait pas où il est. Et nous devions avoir des nouvelles, car Bernard Sabat est allé en duplex improvisé hier à la Royal Air Maroc. Donc les nouvelles pour l'instant, je tiens juste à vous dire que apparemment nous les aurons demain. C'est ce qui a été confirmé, donc soyez là demain entre 9h30 et 11h. Stéphane, K-Express nous dit, j'ai vendu un véhicule à un garage qui devait lui-même le revendre et il l'a d'ailleurs revendu. C'était un ami de longue date. Bref, cet ami lui a remis un chèque sans provision. 7 200 €. Depuis, Stéphane attend des nouvelles du garage Didier Mass. Nous avons tenté de joindre le garage. Les numéros sonnaient tout le temps occupés. Et Sarah, tout au long de l'après-midi, vous avez cherché à joindre ce monsieur. Et j'y suis arrivée, j'ai eu différents collaborateurs qui m'expliquaient qu'effectivement cette personne était absente depuis déjà un petit moment pour des raisons de santé. Finalement, j'ai eu une piste que je peux pas dévoiler sur l'antenne. J'ai tenté cette piste et finalement je l'ai eu. Il était extrêmement désolé. Il m'a expliqué sa situation médicale qui est quand même assez compliquée. Il ne compte pas du tout fermer le garage. Tout va bien à ce niveau-là. Je rassure toutes les personnes qui ont entendu l'émission hier. Je lui ai suggéré de se rapprocher de son comptable puisqu'il sert bien à ça, son comptable. Mais il ne sert pas. Et attendez, je vous pose la question. Il dit je vais pas fermer. D'accord. Mais qu'est-ce qui lui empêche, là, de faire un chèque? C'est ça qui me gêne. S'il y a de l'argent, si ça marche. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer hier. Il m'a expliqué, en fait, que sa situation médicale le bloquait chez lui, qu'il n'arrivait même pas à réfléchir. Et c'est pour cela que je lui ai suggéré, pardon, d'interpeller son comptable. Je veux bien comprendre la situation médicale. Dans ces cas-là, on dit à son épouse, tiens, il y a un chèque qui est dans le deuxième tiroir, prends-le, remplis-le et je vais signer. Le chèque, en fait, il l'a fait. C'est l'approvisionnement du chèque. C'est plus compliqué. Alors, il faudrait peut-être qu'il réouvre boutique pour relancer la machine et payer ses dettes. C'est ce qu'on lui souhaite, en tout cas, meilleure santé. Mais vous avez tout à fait raison, Julien. C'est pour ça que je lui ai proposé donc de proposer un échéancier, une solution, quelque chose. Et alors ? Et normalement, on aura la solution d'ici 48 heures. Donc, d'ici 48 heures, nous en saurons plus sur ce dossier. Bien, nous allons, si vous le voulez bien maintenant, demander à Marie, est-ce que sur la question que j'ai posée aux auditeurs, les auditeurs sont les rois de l'émission, est-ce qu'à titre exceptionnel, Maître Fellonneau peut régler son problème de téléphone qui l'empêche de travailler ou de ligne internet ou je ne sais quoi, sur l'antenne d'RTL, qu'ont-ils répondu ? C'est unanime, 251 personnes ont dit oui, ce serait trop injuste de ne pas aider Maître Fellonneau qui nous aide toute l'année, allez-y, foncez. Alors on y va très rapidement, l'appel express, j'accueille tout de suite en ligne Nathalie Fellonneau, bonjour madame. Bonjour Juju. En deux mots, pouvez-vous nous expliquer votre problème ? J'ai plus de téléphone depuis le 8 août, il paraît que toute la ligne est abîmée et on n'arrive pas à réparer. C'est bien, nous appelons donc tout de suite maintenant et vous allez expliquer votre problème. Alors on appelle qui d'ailleurs ? On Bonjour. Fait un interlocuteur ? Bienvenue, oui, ça je me doute que c'est Orange, mais c'est qui le... Ah non, c'est la ligne, d'accord. Alors voyons si on a Votre quelqu'un, donc on fait comme pour tout le monde. Mais oui, 49. On a failli donner le numéro de téléphone de Maître Fellonneau sur l'antenne. Mais c'est pas du tout celui-là, donc je pense que c'est le nôtre, c'est celui du studio. Ah oui, parce qu'on appelait, pardon. À l'aide des touches de votre téléphone, veuillez saisir les 10 chiffres de la ligne. Allez-y Sarah, alors pendant ce temps-là, on va prendre le gagnant du jeu. Sarah, vous passez les différents barrages. Je rappelle qu'il y avait ce matin à gagner un iPhone 6S. Merci Apple, il est merveilleux. Et tous les jours, nous allons vous en faire gagner un jusqu'à vendredi pour vous récompenser de votre fidélité, puisque des records ont été battus. Cette émission est l'émission la plus écoutée de France. Elle fait plus du double de ses concurrents avec 1 400 000 personnes à chaque instant. C'est assez incroyable et merci. Et ça nous aide, croyez-moi, pour plus on est nombreux, plus on a de force pour régler vos problèmes. Est-ce que l'on fait sonner chez quelqu'un, s'il vous plaît ? Ça devrait être le cas dans une seconde. Nous allons à Rouen, en Seine-Maritime. Retrouver. Oui, allô. Oui, madame Louba, s'il vous plaît. Oui, c'est moi-même. Madame Louba. Oui, bonjour. Vous m'avez reconnu. Oui, c'est Julien. J'ai même plus le temps de dire une phrase. Vous pourriez au moins avoir la gentillesse, quand on vous fait gagner un téléphone, de me laisser faire mon truc. Comment ça va, ma Valérie? Ça va très bien, je vous remercie. Je suis très heureuse de passer à l'antenne et de vous entendre. Alors, première question, Valérie, est-ce que vous avez un téléphone? Oui. Oui. Est-ce que c'est un ancienne génération? C'est un 4S. Alors, du 4S, vous allez passer au 6S, puisque je vous l'envoie. Il est grand, il est large, il est puissant, il est économe en énergie. C'est la dernière merveille de technologie d'Apple. C'est génial. Qu'est-ce que vous faites, Valérie, dans la vie? Je suis agent dans un organisme social. D'accord. Vous avez des enfants? Oui, j'ai deux enfants. Ils ont quel âge? Ils ont 26 et 22 ans. Bien. Eh bien, il y en a un des deux qui va vite récupérer le 6S et vous allez garder le 4, car c'est comme ça que ça se passe en général. Bien sûr, on fait toujours plaisir aux enfants. Je vous fais un énorme bisou, Valérie. Merci d'écouter RTL. Merci. Merci à vous. Merci. Et bonne journée. Et merci. Et la meilleure radio de France. C'est très gentil. C'est très gentil. Et merci à tonton Georges qui demain remet un iPhone 6S Apple à gagner. Alors, on revient sur le cas de Maître Fellonneau qui n'a plus de téléphone. Vous avez accepté qu'on règle son problème. Où en est-on, Sarah? Alors là, on a battu le record d'attente. On vient de me proposer d'attendre gentiment 30 minutes. Ah oui? Voilà. Donc là, sur le répondeur, on vient de vous dire ça. C'est bien ça, sur la ligne client. Votre attente sera de 30 minutes à dater de vendredi prochain. Bon, eh bien, Maître Fellonneau, vous êtes traité comme les autres. Ah, apparemment, ça bouge. Qu'est-ce qui se passe, Marie? J'ai appelé le numéro du service presse, notre numéro secret. On est en train d'avancer. J'ai quelqu'un au téléphone et je pense qu'on devrait y arriver. Bon, alors là, il est 56 et 33 minutes. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, Maître Fellonneau, vous serez traité comme les autres. À mon avis, demain matin, nous aurons peut-être une réponse à vous annoncer. Hervé Pouchol, alerte. Allez, 3 secondes pour revenir sur le cas de Michel, sa maman de 94 ans. Je viens d'avoir la directrice de la communication de Conné France qui s'occupe personnellement du dossier. Génial. On aura des nouvelles dès demain. Est-ce qu'il est là, notre auditeur, pour qu'on puisse lui annoncer ça? Michel. Je ne sais pas s'il est en ligne. Michel, vous êtes là? Je ne sais pas si vous êtes là, Michel, on a tellement de lignes. Il faut comprendre que parfois on en arrive à déconnecter parce qu'on a 9 personnes à faire. Michel! Julien. Nous avons appelé Conné, fabricant ascensoriste très connu, l'un des plus connus. Ils nous ont dit, écoutez, là, on tente un truc, on met le turbo pour caler l'ascenseur. Ouais, c'est super. Voilà, on va faire ça et puis on va aussi insister auprès quand même de la Sogemac pour qu'elle fasse en sorte qu'avec Conné, ça aille très très vite. Donc je vous tiens au courant, Michel. C'est super, Julien, merci. Merci beaucoup. Je voudrais que toute l'équipe s'applaudisse. Je ne peux pas applaudir seul parce que ça ferait ridicule, mais bravo au boulot qui est effectué par les équipes. Ça se passe pendant l'émission, mais ça se passe aussi en dehors de l'émission. Vous dire que si vous voulez jeter un petit coup d'œil, c'est les dernières, il reste que 3 émissions, je crois, d'un jeu que je présente. Il est vraiment drôle. Chaque soir sur D8, aux alentours de 19h20, ça s'appelle Still Standing, et quand les candidats répondent mal, poum, ils disparaissent, ils tombent dans un trou. Jetez un petit coup d'œil ce soir, vous verrez. Franck, t'as déjà acheté les fournitures de Zoé? Parce que chez Carrefour, on nous garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque. Bien sûr, pas vrai Zoé. Alors, pour les stylos, c'est des Bic. Voilà, et tes cahiers? Des Clairefontaine. Tu vois Val, je te l'avais dit, on a tout trouvé pour la rentrée chez Carrefour. Et même des économies. Carrefour garantit le prix le plus bas sur 200 fournitures scolaires de marque et vous rembourse 2 fois la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Modalité sur carrefour.fr. Cahier 96 pages 24x32, grand carreau Clairefontaine, Bic Cristal assorti par 5. Carrefour. Baron de l'Estac. Un Bordeaux rosé, ça existe? L'on peut être rosé et Bordeaux à la fois. Moi, Baron de l'Estac, je le prouve, ma foi. Je sais marier fraîcheur avec plaisir du fruit, les arômes de pêche et de fraises réunis. Qui peut en faire autant pour ravir les palais? Votre Baron de l'Estac, rosé, s'il vous plaît. Baron de l'Estac, ce Bordeaux, c'est quelqu'un. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. À demain matin, 9h30, nous accueillons maintenant Stéphane Bern en direct. Bonjour Stéphane. Bonjour Julien. Et oui, je suis en direct pour À la bonne heure dans quelques instants avec 2 invités formidables. Alice Belaïdi d'un côté, enfin, ils sont côte à côte, et Romain Duris pour un formidable film. C'est un petit boulot. Oh, un petit boulot bien payé, qui sans risque. Un peu comme le vôtre. Il y a plus de risques, à mon avis. On va écouter ça, moi, on va aller voir le film. Très vite, vous savez. Je sais bien ça, oui, je sais bien. Ah, oui, oui. Sinon, vous n'auriez pas fait cette extraordinaire carrière qui est la vôtre. Ah, mais rien à côté de la vôtre, non, cher Julien. Bon, c'est le début de l'année, allez, on s'envoie des politesses, ça suffit maintenant. Occupez-vous bien de ces deux fantastiques acteurs et on va aller revoir le film, bien évidemment. Merci. Merci Julien, bonne journée à vous. Il y avait Maître Felloneau qui était là, merci Nathalie. Merci à vous, Julien. Hervé Pouchol. Merci Julien. Toutes les équipes d'Alain Hazard, Marie, Sarah, Charlotte, Xavier Kassovitch à la réalisation. RTL, 9h30-11h, c'est l'émission qui s'occupe de vous dans la bonne humeur. Alors profitez-en et soyez là dès demain matin à 9h30. Vous avez choisi la meilleure radio, RTL. À la seconde près, il est 11h. L'information sur RTL, c'est avec Marie Guerrier. Rebonjour Marie. Rebonjour à tous. L'actualité du jour est marquée par une troisième séance de négociations sur le prix du lait. Elle dure maintenant depuis 4 heures à la préfecture de la Mayenne entre les organisations de producteurs et le groupe laitier Lactalis. La semaine dernière, deux tentatives avaient échoué, jeudi à la Maison du lait à Paris et ensuite vendredi à Laval où se trouve le siège de Lactalis. La FNSEA, le premier syndicat agricole, maintient la pression à travers des dizaines d'actions menées sur des sites Lactalis partout en France. Par exemple, dans le Cantal, à Rion-Es-Montagne, une quarantaine d'agriculteurs a déversé du fumier devant une usine Lactalis. Dans la Loire, des manifestants bloquent l'usine d'Andrézieux-Boutéon. Dans le Maine-et-Loire, une trentaine de producteurs bloquent avec leurs tracteurs le site de Saint-Florent-le-Vielle. Des tentes et des barbecues ont également été installés pour tenir le siège, disent les agriculteurs. Près de Rennes, le sit-in entamé hier devant la plateforme logistique de Lactalis à Cesson-Sévigné se poursuit ce matin. Dans l'Orne, des opérations dans des supermarchés sont en cours. À Alençon, Domfront, La Ferté-Massé, Flers et Argentan, les producteurs de lait posent des autocollants sur les produits Lactalis pour informer les clients. L'université d'été du MEDEF, l'organisation patronale, s'ouvre aujourd'hui à Jouy-en-Josas dans les Yvelines. Plusieurs candidats à la présidentielle comptent s'y rendre. C'est l'occasion pour eux d'exposer leurs solutions pour redresser l'économie française. Quelles mesures pour soutenir les entreprises et améliorer leur compétitivité? Pierre Gattaz, le président du MEDEF, demande aux candidats à la présidentielle des engagements forts. Il affirme ce matin dans le journal Les Échos que la France peut créer 2 millions d'emplois si les entreprises bénéficient de nouvelles baisses de charges. Les ventes de médicaments stagnent en France, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays européens. L'industrie pharmaceutique constate que son chiffre d'affaires n'a pas évolué entre 2014 et 2015 et l'emploi dans ce secteur pharmaceutique en France est à son niveau le plus bas depuis 12 ans. Tout ça est lié notamment aux plans successifs d'économies mis en place par les pouvoirs publics pour réduire les dépenses de l'assurance maladie. Les médicaments sont moins bien remboursés, voire plus remboursés du tout pour certains, alors la tendance serait de moins en acheter. L'industrie pharmaceutique française se rattrape un peu avec ses exportations. Les échanges commerciaux de médicaments entre la France et l'étranger ont progressé d'1,5% en 2015 sur un an. La question du jour d'RTL Midi concerne l'OM et son futur propriétaire américain. Le rachat du club de foot de Marseille est-il une bonne nouvelle pour le football français? Vous pouvez répondre dès maintenant sur le site internet rtl.fr et puis vous pourrez en discuter bien sûr avec Christelle Rebière et Vincent Parisot dans RTL Midi en appelant tout à l'heure le 3210. La météo, la journée est globalement bien ensoleillée. Attention toutefois aux orages sur les Alpes et en Corse. Quelques exemples de température, on attend meilleur de la journée 23 degrés à Cherbourg, 24 à Biarritz, 27 à Paris comme à Nevers, 28 à Tours et à Bastia, 29 à Grenoble ou encore 31 à Montpellier. Les courses cet après-midi à Clairefontaine, c'est près de Deauville. Bernard Glass vous conseille de jouer pour le quintet. Le 15, le 4, le 3, le 8, le 10, le 14, le 13 et le 6. La dernière minute, c'est le 3 de Bonalois. Et notez que Bernard Glass vous a indiqué hier le quintet à Vincennes. Il est 11h03, vous êtes sur RTL. À la bonne heure, voici Stéphane Bern. Bonjour Stéphane. Bonjour Marie. Et on vous retrouve naturellement, chère Marie Guerrier, à midi pour un nouveau point sur l'actualité. RTL. 11h-12h30. Stéphane Bern. À la bonne heure. Et voilà, nous sommes dans La Bonne Heure en direct et en public sur RTL. Alors, vous savez, c'est beaucoup de nouveautés. D'abord, il y a des invités aujourd'hui. C'est pas une nouveauté, c'est tous les jours. Tous les jours. Nous avons Alice Belaïdi et Romain Duris. Merci à tous les deux. Bonjour. Je vais vous présenter dans un instant de façon un peu plus élégante. Prenez votre temps. Je vais d'abord vous présenter toutes les nouveautés parce que une des grandes nouveautés de cette saison de La Bonne Heure, eh bien, on accueillera tout à l'heure après-midi Élise Moon. Tous les mardis, dans la lignée de ses fameuses petites annonces, eh bien, il nous proposera un canular téléphonique. Ouais. La première aujourd'hui, juste après le journal de midi. À la une, Joël Goron, comment bonjour. Vous dire les vacances. Bonjour, tout le monde. Bonjour ma Joël. Je suis contente d'être là. Mais encore. Oui, moi encore. Je suis contente de vous retrouver. Vous avez... Il a fait chaud, je m'étais inquiété. Et j'ai résisté. Vous savez que là, j'ai demandé à la mairie de vous appeler tous les jours pour ils savoir ont fait. Ils si ont vous fait. Étiez bien hydratée. Elle est bien hydratée, elle est bien, elle va bon, bien. Alors ça va. Alors, c'est pas bien de se moquer des personnes âgées. Mais non, surtout quand elles sont aussi jeunes. Oui, exactement. Les vacances ne vous ont pas apaisé. Vous reviendrez sur l'une des phrases qu'on n'entendra plus une fois les vacances passées et sur les expressions qui, absolument. Évidemment, continuent.